Non, pourquoi? Parce qu'à te voir comme ça, j'ai l'impression que ça va mieux. Ouais, ça commence. Bon, alors, allons-y. Où ça? Eh ben, au lit. Ah oui, ça oui, mais laisse-moi 5 minutes, je suis dans un état. Ben, je vois ça, mais faudrait quand même pas trop traîner. Non, ben, mais j'arrive, là. Oui, d'accord, mais tout le temps que tu passes à récupérer, c'est quand même du temps perdu pour le reste. Mais nous, on a le temps. Oui, j'espère. Enfin, c'est pas sûr. Comment ça, pas sûr? Et oui, si tu traînes, tu vas réduire ta marge. Et comme tu aimes avoir de la marge... Bah, tu vas tout de même pas me le reprocher, non? Oh non! Moi, une petite marge, ça me gêne pas. C'est toi qui est pas rapide. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tu as besoin de beaucoup de marge. Et que moins t'en as, moins ça va. Non, mais qu'est-ce que tu racontes, là? Oh, c'est pas un reproche, bébé. Ah, bon? Mais non! Ça arrive à tout le monde, les défaillances. Les défaillances? Quelles défaillances? Parce que moi, j'ai des défaillances? Oui, enfin, disons des difficultés passagères. Des difficultés? Moi? Ouais. Jamais. Tu veux qu'on en parle? Ah oui, ça oui, je veux. Alors, parlons-en. Eh bien, tu en as eu deux. Deux? Eh bien, ça, c'est la meilleure. Ah non, justement, pas pour moi. Oui, enfin, je voudrais bien savoir quand j'ai eu, soi-disant, deux difficultés passagères. Eh bien, la première, fin novembre. Ah non, non, non, tu peux pas compter fin novembre. Pourquoi pas, ça compte? Ah non, fin novembre, c'était exceptionnel! Ah oui, heureusement! Non, non, j'ai dit exceptionnel parce qu'on ne peut pas appeler ça une difficulté passagère! Pourtant! Non, non, j'appelle ça, moi, un empêchement temporaire, tu vois! Oh, ça revient au même! Non, non, non, parce que fin novembre, il y a eu un phénomène extérieur! Oui, mais phénomène extérieur ou pas, il a quand même entraîné un empêchement temporaire! Dû à une panne. C'est bien ce que je dis. Non, non, non, une panne de chaudière. Et c'est tout de même pas de ma faute, je suis très sensible au froid. Hein? Je sais, j'ai vu. Quant à l'autre fois, parce que je sais très bien à quoi tu penses. Ah bon? C'est tout de même pas de ma faute si tu t'es perdu dans le bois. Ni de la mienne, à l'époque, je connaissais pas bien le chemin. Alors je me suis tapé 5 km pour venir plus le retour. Si avec tout ça, tu veux que j'ai joué les surhommes en 5 minutes, où va-t-on, hein? C'est bien ce que je dis. Il te faut de la marge. Et si elle est grignotée? Non, je suis pas responsable des phénomènes extérieurs, moi. Qui entraîne quand même une baisse momentanée de la consommation du ménage. Pour cause d'accident de parcours, c'est pas autre chose. Eh ben tant mieux. Oh, dis donc, c'est notre bouteille ou celle de Georges? Je sais pas, celle-là est à la cuisine. Ah bon? Bah, c'est celle de Georges. Drôlement sympa, Georges. Ah, ça, super. Hein. C'est un vieux copain extra. Extra. Parce que des vieux copains qui vous prêtent leur appartement avec tout ce qu'il y a dedans, ouais. Et ben ça doit pas courir les rues. De toute façon, ça le gêne pas qu'on passe la soirée chez lui. Tous les mercredis, il va au tennis. Hein. Et sa femme? Comment ça se fait qu'elle soit jamais là? Ah, une dessinatrice de mode. Justement, elle pourrait dessiner chez elle le mercredi soir. Non, impossible. Elle est tout le temps en voyage. Ici, elle fait que penser. Vaut mieux qu'elle passe pas quand c'est notre jour. Et la tienne? Hein? Ouais, ouais, à la tienne. Enfin, à la nôtre, hein, je veux dire. Mais je dis pas à la tienne. Ah non? Je dis la tienne. Quoi, la mienne? Ta femme. Ah oui, oh, tu crois qu'elle se doute de quelque chose? Non, jamais de la vie. T'en es sûr? Certain, c'est elle-même qui m'a conseillé de faire du sport. Avec moi? Du jogging, je suppose, excuse-moi, je trouve. Alors, dans le fond. Pendant qu'on est là tous les deux à s'aimer, ta femme est persuadée que t'es en train de courir. Bah, qu'est-ce que tu veux qu'elle croie d'autre? Chaque fois que je rentre, je suis sur les rotules, moi. Ouais. Ah bah oui, c'est sûr, hein. Bien, il y a quelque chose qui brûle, là. Non, c'est quelque chose qui cuit. Je le disais aussi, hein. Bah oui, comme on n'a jamais mangé ensemble, enfin, comme deux amoureux, quoi. Ah bah, oh oui, dis donc, ça c'est vrai, jamais. Alors j'ai pensé que ça te ferait plaisir que je nous fasse une dinette. Ouais. C'est pas une bonne idée? Oui, si, c'est une bonne idée. Ça... Et puis c'est romantique. Oh oui, c'est romantique. D'ailleurs, il n'y a pas plus romantique que moi, tiens. Ah, ah bah, je suis bien contente. Ah bon? Choucroute. Comment? Je dis, on va se taper une choucroute. Ah bon, qui ça? Eh ben, nous deux. Ah oui, oui. Ça te plaît pas? Ah moi, j'en suis, alors là, moi j'adore, là. Ah, c'est... ah non, mais c'est bien simple, j'en suis fou, tu vois. Et je ferai des kilomètres pour une choucroute. Eh ben, t'as bien fait de les faire, puisque j'en ai préparé une. Oui, je vois ça, mais... T'en veux pas? Non, attends, c'est pas que j'en veuille pas, au contraire, j'en voudrais bien, sinon, si je mange une choucroute ici... Ah, ta femme t'attend. Ben voilà. Et si je ne dîne pas en rentrant, ça risque de l'étonner. Mais toi, à sa place, pourrais-je bien te cavaler pendant 2 heures, hein? C'est normal que j'ai faim. Hein? Ben oui, c'est normal. Et ben, puisque c'est comme ça, t'as qu'à rentrer tout de suite chez toi. Oh ben, mais nous, on n'a rien fait. Et ben non. Et ben alors, on y va. Ah, non. Si tu ne veux pas de ma choucroute, je vois pas pourquoi t'aurais le dessert. Bon. Eh bien, d'accord pour la choucroute d'abord. Allons-y, finissons-en. Bon, où est-ce qu'elle est, cette choucroute? Elle est pas tout à fait prête. En plus? Oh, t'en veux encore un? Ouais, pourquoi pas, puisque c'est la bouteille de Georges. Ouais, hein, inutile de se priver. Oui. Hein. Oh, bah oui, dis donc. Oh, terrible. Quoi? Ah, t'as une bouche terrible. Tu dors avec ta femme? Non, mais nous, écoute. Non, je dis tu couches avec elle. Oui, non, bah, j'avais bien compris. Mais la réponse. Ah, bah, réponds. On a la même chambre, quoi, depuis 15 ans. C'est une vieille habitude. Et les vieilles habitudes, tu sais ce que c'est. Non. Oui, enfin, je veux dire, c'est pas facile à changer. Oui, et bah, les autres vieilles habitudes non plus. Mais enfin, mais nous, sois pas bête, on se voit tous les mercredis. Oui, mais les autres jours. Ah, bah, les autres jours, je récupère. Enfin, tu sais bien que je t'aime, voyons. Oui, oh, une fois par semaine. Mais c'est pas pour ça que je t'aime pas les autres jours. Tu jures? Minou, ma beauté. Je vais voir où est ma choucroute, déshabille-toi. J'arrive. Oh, bah, c'est comme si c'était fait, ça. Regardez quoi? Eh ben tes pinces! Ah oui, les pinces! À toi! À nous! Mmh. Ah! Mon chéri! Non, non, du calme! Non, du calme! On a tout notre temps! Oh, tu en es sûr? Mais oui, mais oui! Ton mari fait son jogging au moins pendant 2 heures, alors! D'accord, mais courir si longtemps, moi, ça me paraît surhumain. Ah, mais pourquoi? C'est pas toi qui cours, c'est lui. Justement, j'ai toujours peur qu'il soit fatigué, qu'il rentre plus tôt. Ah, ça, c'est hors de question. Il pourrait en avoir assez. Mais non, il est beaucoup trop accroché. Accroché à quoi? Mais à la course à pied, voyons. Quand il a pris son élan, hop, ça y est, il est parti pour expliquer ça. Il pourrait se casser une jambe. Ah, pour ça, il faudrait qu'il tombe du lit. Comment? Non, je dis, pour ça, il faudrait qu'il tombe, je te dis. Admettons qu'il ne se casse rien, mais s'il y a un gros orage, hein? Je le connais, il s'arrêtera. Eh ben moi aussi, figure-toi, je le connais. Et je peux te garantir que même si la terre était coupée en deux, il continuera à courir sur la moitié qui reste. Ma chérie, il en est dingue, fêlé. De quoi? Mais de la course à pied, voyons. Non, tu n'as aucune crainte à avoir. Si tu le dis. Mais oui, quoi qu'il arrive, il fera ses 2 heures. Génial, absolument génial. Ah oui, tu trouves? Mais tu sais, je dis ce que je pense, alors... Non, je parle pas de toi. Ah bon, je croyais pas. Mais... Non, j'ai dit génial, le survêtement que je lui ai trouvé, c'était juste sa taille. Ah, tu la connais? Sa taille? Oh, écoute, il y a quand même un bouton que Bernard et moi. Oui, ça, je sais. Quoi? Je sais. Bah oui, votre mariage. Tu y étais? Hein? Bah, j'étais votre témoin. Ah oui, j'avais oublié. Oh, et bah dis donc, depuis t'as eu de l'avancement. Ouais, je me suis un petit peu avancé. Ouais. Tu es devenue partie prenante. Eh oui, j'ai tout pris. Hein? Bref, c'est parce que j'ai vu ce survêtement dans un magasin que j'ai eu cette idée. Pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas un peu d'exercice? Et maintenant, il en fait. Hein? Heureusement, parce que continuer à se voir dans ta voiture, c'était plus possible. Ah oui, c'est vrai, ça. Hein? Pas que dans ta voiture, ça avait un de ses charmes. Oui, mais enfin, on est quand même mieux. Ici. Qu'est-ce que tu fais? Bah comment, qu'est-ce que je fais? Je me déshabille. Tu viens de me prouver par A plus B qu'on avait tout le temps. Bah, le temps, bien sûr qu'on a le temps. Mais moi, je suis impatient. Oui, bon, ben, il n'y a pas le feu. Mais si, si, justement, il y a le feu. Ah, où ça? Mais comment, où ça? Tu m'excites. J'ai jamais vu quelqu'un d'excité ranger ses habits comme ça. Hey, l'excitation n'empêche pas l'ordre. Il n'y a aucune raison que ça se fripe. Dans ta voiture, tu t'en fichais. Bah, dans ma voiture, réfléchis, dans ma voiture, il n'y a pas de chaise dans ma voiture. Dans ta voiture, tu te jetais tout de suite sur moi. Bah, toi, là, tu peux rien pour attendre. Et ta femme? Ma femme? Du coup, je suis pas venu ici pour parler de ma femme. Pourquoi pas, je l'aime bien. Mais moi aussi, je l'aime bien. Mais c'est pas le moment de parler d'elle. Quand est-ce qu'elle rentre de Londres? Demain. Déjà? Oui, mais elle repart jeudi pour Lisbonne. Ah, bon. T'as couché avec elle dans ta voiture? Oh, on veut réfléchir, c'est ma femme. Je couche pas avec ma femme, vous voyez dire. Bon, alors dans la voiture de quelqu'un d'autre? Non, je te jure, dans aucune voiture. Eh ben, ta femme a raté quelque chose. Ah, tu vois? Ah, oui. Ah non, ça, c'est pas possible. Quoi? Ça, ben ça, là, ça, qu'est-ce que tu veux? Ah oui, c'est Bernard. Ah oui, je le sais que c'est Bernard, hein. Mais est-ce que tu crois que c'est vraiment sa place? Pourquoi pas? C'est mon mari. Oui, oui, je le sais, mais parce qu'il est indispensable que sa photo soit là. Voudrais-tu qu'elle soit? Ben, je sais pas, moi, n'importe où, mais pas là. Je vois pas ce qu'elle ferait ailleurs, après tout, c'est chez lui. Mais oui, mais enfin, tu peux pas l'escamoter. Escamoter Bernard? Ben oui, enfin, qu'il ne soit pas là pendant que toi et moi, on... Enfin, qu'il soit pas là pendant ce temps-là. Pourquoi? Parce que... Il me regarde. C'est pas toi, c'est l'objectif. Si, si, il me regarde d'un drôle d'air. Eh ben, tourne-toi si ça te gêne. Ah non, là, je sens ses yeux dans mon dos. C'est... Mais non, mais non. Mais si, mais si, non, excuse-moi, mais là, je ne peux pas. Excuse-moi, mon vieux, mais je peux pas faire autrement. Attends, ça va mieux. Alors, Chiri, tu connais le chemin? Oui, c'est par là. Bonjour. Bonjour, mais vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez? Non, mais comment est-ce que je veux? Eh bien, j'arrive, c'est tout. C'est tout? Oui, je comprends que ça vous étonne que je sois rentrée plutôt de Londres. Ah, de Londres? Oh, alors c'est déjà vous. Parce que là, vous n'avez peut-être pas terminé. Ah, ben, c'est-à-dire que non. Eh bien, remarquez, on ne dirait pas. Ah non? Non, il n'y a pas de désordre. De désordre? Bah, oui, des vêtements qui traînent partout, des... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, oui, oui, oui, bien sûr. Enfin, de toute façon, il ne faut pas vous en faire. Il m'avait dit qu'il prendrait une aide ménagère pendant que je ne serais pas là. Une aide ménagère. Vous êtes bien une aide ménagère. Façon de parler, oui, on peut appeler ça comme ça. À propos, j'espère qu'il n'a pas oublié de vous payer. Ah, mais je veux pas qu'il me paye. Mais vous faites ça à l'œil? À l'œil, à l'œil. Si on peut dire, hein. Mais c'est trop gentil de votre part, ça. Ah non, vous savez, tout le plaisir est pour moi. Bon. Vous êtes venu combien de fois? Comme prévu, une fois par semaine. Pendant combien de temps? Oh, bah disons, presque deux bonnes heures. Chaque fois? Ah non, pas chaque fois. Un jour, il s'est perdu dans le bois. Et une autre fois, le brûleur de votre chaudière est tombé en rideau. Et moi avec. À ce point-là? Enfin, voyons. Comment voulez-vous qu'on se sente bien détendu à son aise? Enfin, qu'on puisse se donner à ce qu'on fait quand il fait un froid de chien. Ça, je me mets à votre place. Quand tout est gelé, on n'a pas tellement envie de se remuer. Voilà, on est paralysé, quoi. Tout reste inerte. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Même en essayant de faire ce qu'il faut, et croyez-moi, j'ai mis les bouchées doubles, zéro. Zéro. Quand une saleté de brûleur veut pas brûler, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous avez essayé avec un tournevis? Ah, ah, j'ai pas prévu de venir avec une caisse à outils. Et la mécanique, c'est pas vraiment mon rayon. Bien sûr, bien sûr. Mais dites-moi, je ne sais pas si vous m'avez dit votre nom. Minou. Je m'appelle Minou. Eh bien, enchantée, Minou. Enchantée. Moi de même. Vous pensez qu'il rentrera vers quelle heure? Ah, il va pas rentrer. Ah non? Ah non, il est dans la chambre à coucher. Il dort? Oh, cette idée. Il se déshabille. Ah ça, je n'aurais jamais pensé que mon mari se déshabillerait pendant que vous êtes là. Votre mari? Eh bien oui, Georges. Ah, voilà. Prêt. Pas prêt. Qu'est-ce que tu en dis, là? Très sexy. Oh, Jacqueline, c'est toi, là? Oui, c'est moi, et toi, c'est toi. Ah bah oui, c'est moi. Oui, oui, je vois. Je vois bien que c'est toi. Ah non, non, mais ça, c'est bien moi. Vous avez fait connaissance? Non. Ah bon, tu as l'air étonnée de me voir. Eh bien, oui, disons un peu. Oui, parce qu'elle croyait que t'étais encore en train de courir dans le bois. Oh. Dans cette tenue. Ah non, non, j'ai mon survêtement dans ta chambre. Dans ma chambre? Mais pourquoi est-ce que tu l'as ôté? Ah, ça, c'est parce que je... Il allait pas le garder pour... Non, oui, moi, ça va. Comme ça, n'est-ce pas? Il est quand même plus à l'aise pour... Oui, oui, mais non, ça va. Toi, tu devrais aller voir la choucroute, hein. Oh, c'est pas utile. Si, moi, je te dis qu'il faut aller la surveiller. Mais elle va pas s'envoler. Eh bien, ça, c'est pas sûr, tu vois. Bon, bon, comme tu voudras. Oui, bon, ben, ça va. Oh. Voilà. Voilà quoi? Non, voilà rien, mais comme tu as l'air de croire quelque chose... Oui, enfin, non. Comment? Non, et je te dis non. Et si tu continues à croire ce que tu crois, tu te trompes lourdement, je tiens à te le dire d'entrée. Non, non, parce que moi, j'aime que les choses soient claires. Hein. Bon, eh bien, si tu clarifies, je suis pour. Hein. Et tu vas voir que la réalité est beaucoup plus simple que tout ce que tu imaginais dans ta tête. Vraiment? Bon, ben c'est bien simple. Elle est tellement simple que je ne sais pas par quel bout commencer pour pas la compliquer, tu vois. Eh bien, essaie quand même. Bon, ben alors je vais essayer. Donc, Brigitte m'a acheté un survêtement parce qu'elle a pensé que ça me ferait du bien de faire un peu d'exercice, tu vois. Ah ben oui, la course à pied, c'est très à la mode en ce moment. Ça s'appelle le jogging. Oui, mais enfin, tout ça ne m'explique pas ce que tu fais chez moi, dans une robe de chambre que j'ai offerte à Georges, en compagnie d'une nana assez canon et qui, en plus, T'as préparé une choucroute à déguster en tête à tête. Ah oui, mais une seconde, petit, une seconde, j'y arrive là. Excuse-moi, je croyais que tu avais fini. Non, je commence. Bon, alors, donc, je courais, mais alors attention, hein, je courais vite. Je dirais même qu'aujourd'hui, je gazais. 8 km à l'heure de moyenne, facile, pour pas dire 10, tu vois. Et alors, regarde-moi bien là. Et imagine-toi que tu me vois en pleine vitesse. Avec ton nez, tu devais avoir l'air d'une fusée. Ben ça, c'est bien possible. Dans le quartier, on m'appelle Ariane. Alors, je suis passé à côté d'un arbre. D'un arbre? Oui. Et celui-là, je peux même te dire que c'était un chêne parce qu'il avait des glands. Oh! Et un arbre qui a des glands... En général, c'est un chêne. Bon, eh ben, je vois que nous sommes d'accord. Hein. Ah, ça, tout à fait. Et alors? Ben alors, c'est là que c'est arrivé. Quoi? Je suis tombé. Contre ce chêne? Non, dessous. J'ai dérapé, là. Dans les glands qui étaient tombés avant toi? Ah non, dans l'eau. Mais tu ne m'avais pas dit qu'il y avait de l'eau? Ah non? Ah bah il y en avait. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ah oui, alors ensuite, il s'est passé quelque chose d'absolument extraordinaire. Allons bon. Oui. Alors, j'étais en train de flotter dans ma flaque forestière, hein, quand, écoute bien... Hein. Non mais je fais que ça, alors? Alors, Minou est passé. Minou? Ouais. Mais comment est-ce qu'elle t'a repéré? Ah voilà, c'est là qu'intervient ce hasard absolument invraisemblable. Lequel? Eh bien, que Minou se balade dans le coin comme ça, là, tu vois. Ah, ça, en effet, c'est un vrai miracle. Ah, ça, un vrai, t'as dit le mot, parce que se casser la gueule, et 5 minutes après, le SAMU qui est là, Le SAMU? Ah oui, Minou travaille au SAMU. Au SAMU? C'est comme je te le dis. Ah! Elle se baladait dans les futaies quand sa voiture est passée à côté de ton arbre. Non, là, elle était à pied. Enfin, pourtant, SAMU, ça veut bien dire service automobile de médecine d'urgence. Oui, qui te dit le contraire. Eh bien, toi, puisque Minou n'était pas en voiture. Mais non! Mais Minou est une déléguée à pied par le SAMU! Mais alors là, ce qu'elle porte, c'est le nouvel uniforme des délégués à pied! Eh oui! Enfin, c'est sa tenue de campagne. Alors, comme j'étais pas loin d'ici, dans l'état où j'étais, qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein? Bref, tu es arrivé jusqu'ici, soutenu par la déléguée à pied. Du SAMU, eh oui, voilà, c'est... Eh bien, c'est dommage que Georges n'ait pas été là. Eh oui. Oh, mais ça, il n'y peut rien. Hein. Aujourd'hui, c'est son jour de tennis. Je ne savais pas qu'il joue au tennis. Comment, il t'a pas dit qu'il s'est inscrit aux Racines? Non. Non, mais enfin, si ça lui fait plaisir, c'est l'essentiel. Ouais. Mais comment est-ce que tu es entré? Ah bah, cette idée avec la clé. Non, mais quelle clé? Eh bien, la clé que Georges laisse dans les pélargoniums. Les pélargoniums? Oui, les géraniums, qui sont à côté de la porte en cas d'urgence. Et là, il y avait urgence. Comment, tu savais pas qu'il laissait une clé dans les pélargoniums? Non, mais enfin, le principal, c'est que toi, tu l'es su. Donc, ici, tu as ôté ton survêtement mouillé. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis la robe de chambre de Georges. Naturellement. Mais la choucroute! Ah, la choucroute! Comment est-ce qu'elle est arrivée jusqu'à la cuisine, la choucroute? Voilà, tout est prêt! Tu vas pouvoir servir! Bon, eh bien, moi, je ne veux surtout pas vous déranger. Non, tu vas pas t'en aller maintenant. Hein. Si, je crois que c'est mieux. Mais enfin, tu es chez toi ici. Vous en faites pas, il y en a largement pour 3. Bien sûr. Mais franchement, je n'ai pas tellement envie de choucroute à cette heure-ci. Et puis, je vais surtout essayer de trouver Georges. Aux Racines, tu m'as dit? Oui, c'est ça, aux Racines. Bon, eh bien, je vais lui faire la surprise. Comme je ne pense pas que vous serez encore là quand je reviendrai. Non, je pense pas non plus. Ça, je sais que les délégués à pied sont surchargés. Les délégués à pied? Mais je sais aussi que dans vos mains, il est dans de très bonnes mains. Alors, j'étais ravie de vous connaître. Au revoir. Au revoir, madame. Et encore bravo au SAMU pour la rapidité de ses interventions. Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien, ça n'a aucune importance. Bon, alors, inutile de traîner. Oui, non, mais quand même, c'était la femme de Georges. Hein. Et alors, elle va pas rentrer tout de suite? Oui, non, mais tu sens pas que le climat est pourri, là? Moi, ce que je sais, c'est qu'on se voit qu'une fois par semaine. Alors, le climat... Oui, non, mais quand même... Où vas-tu? Oh, mais tu viens de déclencher quand t'étais prête. Oh, elle attendra, et puis après, on aura davantage d'appétit. Oui, non, mais tu sais, là, je me sens pas en train, tu vois. Non, mais vraiment pas, hein. Je suis noué, tu vois. Et je crois que je vais pas pouvoir. Pas pouvoir? Bon! Alors moi, je dis que 2 empêchements temporaires, ça passe. Mais qu'une 3e fois, c'est vraiment de la défaillance! Alors là, je ne peux plus entendre ce mot! Alors là, moi, je n'ai jamais de défaillance! Jamais! Simplement, je suis très souvent confronté à des phénomènes extérieurs chez nous! Bah attends, bébé, je vais te donner un yaourt! tu ris, quoi. Bon, je te promets que je rirai plus. Bon. Mais tu m'as toujours pas dit pourquoi t'étais arrivé en retard. Ben, j'ai crevé, figure-toi. Ça aussi, tiens, je comprends vraiment pas que tu viennes en vélo. Mais tout le monde pourrait reconnaître ma voiture garée devant chez toi. Ton vélo aussi? Non, mon vélo, c'est pas pareil. On dirait un vélo de livreur, avec son petit porte-bagages, son gros panier. Tu penses à tout. Mais oui, on n'est jamais trop prudent. Elle part ici. Oh, dis donc. Quoi? Et si on fêtait d'abord notre anniversaire? Mais quel anniversaire? Eh ben, c'est le 12e mercredi. Ah bon? Oui, il y a 3 mois, jour pour jour, qu'on soit ici. Moi, c'est bien, ça. Alors, je vous ai préparé un petit dîner. Ah, c'est gentil. Belle choucroute. Choucroute? Ah, tu n'aimes pas? Ah, si, ah, je vais te dire, alors, très franchement, ça, j'adore la choucroute. Seulement... Seulement quoi? Eh ben, je me demande si on va avoir le temps. Pourquoi? Ah ben, le temps pour manger la choucroute, et puis le temps pour... Mais oui, mais oui. Ouais. Puis tu vois, c'est pas tellement une question de temps, mais c'est... J'ai pas faim. Bon, alors on en mange un peu en vitesse et après... Oui, alors en vitesse, hein. Je vais nous servir. Oh, oh, quelle idée. Fais de la choucroute. Un choucroute, un choucroute. J'aime pas tellement un choucroute, non. Je préfère le foie gras. Le foie gras. La choucroute, il est comme le choucroute. La fête de la choucroute. Eh, on a sonné. Hein. Bien sonné. C'est ton mari? Impossible, il a sa clé. Bon, alors, vire ce rasoir en vitesse. Si je ne peux pas m'en défaire, tu n'auras qu'à filer par la fenêtre. Mais tu es folle. Je plaisante. Ah bon? Ah, c'est toi? Comment vas-tu? Ah bien, bien, bien, bien, très bien, très bien. C'est Jacqueline. Oui. Ah, mais qu'est-ce que fait ce bruit? C'est bruit, quel bruit? Il me semble que c'est venu de là. Oh non, non, non, non, c'est de là, c'est les gens d'à côté qui s'entraînent. Ils s'entraînent? Oui, des danseurs. Oui, des danseurs brésiliens, alors. Samba, conga, cugaracha, lambada, enfin, tu vois. Non, pas bien, non. Oh, dommage, dommage, parce que c'est très bien. Enfin, c'est pas mal. Enfin, c'est typique, quoi. Enfin bref, un peu ce genre de danse-là. Ça ne te dérange pas, moi? Me déranger, moi? Penses-tu, j'étais là à m'embêter toute seule. Tu me jures que tu n'attends personne? Mais qui veux-tu j'attendre, d'ailleurs? Ma chérie, mais enfin tu me le diras. Ma chérie, simplement je ne m'attendais pas à te voir parce que... Parce que je te croyais encore à Londres. Hein. Seulement, je suis rentrée plus tôt. Oui, je vois bien, oui. Alors, je suis ravie, remarque. Je suis ravie. Ça, c'est vraiment une vie fantastique. Hein. Quoi donc? Ben, ma chérie, voyons... Jacqueline! La vie humaine. Ah bon, tu trouves, ma chérie? Oh. Jacqueline! C'est fabuleux, je t'ai toujours enviée, puis je l'ai toujours enviée. Mais quoi? Mais ton métier, Jacqueline! C'est fabuleux, tu dois voir tout le temps des gens différents, manger des choses différentes, dans des restaurants différents. Mais chérie, Jacqueline! C'est fantastique, la vie humaine, fantastique! Genre, je sais que tu es rentrée. Non, je n'ai pas eu le temps de l'avertir. Il va être bien étonné. Oui, ça c'est sûr. Comment? Non, je dis... Tu veux de la sangria? Tu vas pas faire une sangria maintenant. Non, elle est faite. Eh bien, dis donc. Moi, je fais de la sangria que dans les grandes occasions. Moi aussi. Moi aussi. Eh bien, justement, aujourd'hui, c'est une grande occasion. Tu as des invités? Non, non. Oh, c'est brésilien, tu sais, y a rien à faire. J'aurais pourtant dit que le bruit est moi. Enfin, là, c'est des artistes. Mais tu me disais qu'aujourd'hui, c'était une grande occasion. Ah ben oui, c'est une grande occasion parce que j'ai fait ton retour. Hein. Ah, alors tu as préparé ta sangria d'avance. D'avance. Mais oui, je ne devais rentrer que demain. Ah oui, non, ah, non, non, ça c'est une sangria d'essai, n'est-ce pas? Je voulais m'exercer pour qu'elle soit parfaite pour demain. Comme ça, je t'en ferai une vraiment super. Alors, tu goûtes ma sangria d'essai? Mm-hmm. Tu me dis ce qu'il manque? Comme ça, je pourrais l'arranger pour demain, quoi. Alors, à ta sangria. C'est ça, ma... Non, bah oui, est-ce que j'ai mis mon verre, moi? Tiens, là, il y en a un autre. Ah oui, oui, c'est bien, c'est parce qu'ils sont venus aussi là goûter pour me donner leur avis. Qui ça? Eh ben, les Brésiliens, ils ne connaissaient pas du tout la sangria. Alors, ils ne pouvaient pas te donner leur avis? Non, ça, ils ne pouvaient pas, non. Mais alors, pourquoi est-ce que tu leur as fait goûter? Avant qu'ils ne la goûtent, n'est-ce pas? Je ne savais pas qu'ils n'y connaissaient rien. Eh bien, moi, je te dis qu'elle est bonne. Ah, mmh. Ben alors, ça, c'est le principal, puisque je l'ai faite pour toi. Oui, mais elle est raide. Trop? Non. Non, mais si tes Brésiliens en ont tâté, même s'ils n'y connaissent rien, je comprends qu'ils se déchaînent. Eh ben, je suis ravie qu'elle te plaise, hein. Encore un peu. D'accord. Oh, dis-moi, où est-ce que je peux mettre tout ça? Oh, Oh, Bernard, tu sais, vraiment, il faut être patiente. Il m'a dit, je les mets là et en sortant, je les déposerai chez le teinturier. Bah, total, tu vois le résultat. Si ça se trouve, les Brésiliens ont dû s'asseoir dessus. Eh bien, notre plat bon. Le mien est exactement comme le tien. Ah, Georges, il est comme Bernard. Ah, bon? Ah, ça, exactement comme lui. Tiens, il plie ses vêtements exactement comme ça. Comme ça? Exactement pareil. Ah oui, bah, ils sont tous pareils. Hein. Il les envoie aussi chez le teinturier. Ah non, ça c'est les miennes. C'est les siennes. Je dois aller les faire ressembler alors pour ne pas les oublier, je les avais mises là. Enfin bref, j'ai oublié de les porter, quoi. Alors, si je comprends bien, tu es venue directement ici. Comment ça? Non, enfin, de Roissy, tu n'as pas été chez toi. Ben si, pour poser ma valise. Georges n'était pas là. Ah, oui. Tu en veux encore une autre ou tu préfères rentrer tout de suite? Après tout, je ne suis pas pressée, alors va pour une autre. Et alors ensuite, j'ai été au Racing. Ah, au Racing. Bien oui, pour chercher Georges. Ah, Georges fait partie du Racing. Non, mais comment? Tu ne savais pas qu'il s'était mis au tennis? Ah, non, mais c'est bien ça, c'est très bien. Oui, mais au Racing, je ne l'ai pas vu non plus. Il faut dire que c'est très grand, hein. Oui, ça très. Alors, comme finalement, je n'étais pas très loin de chez toi, je me suis dit que je pourrais téléphoner pour voir si Georges est rentré. Ah, oui. Remarque, s'il se passionne pour le tennis, à mon avis, il ne rentrera pas de sitôt, hein. J'y pense. Pourquoi est-ce que tu ne resterais pas? Non, ce n'est pas possible. Mais si, je suis sûre que tu crèves de faim. Pendant ce temps, j'aurai le temps de rentrer sans que tu t'inquiètes. Écoute, je ne voudrais surtout pas te déranger. Mais ce que je propose, tout est prêt. J'ai fait une choucroute terrible. Ah! Tu n'aimes pas? Si, mais simplement, dans la vie, il n'y a pas fait de ces coïncidences. Coïncidences. Mais oui, figure-toi que de la choucroute, il y en avait aussi au menu. Dans l'avion. Et tu en as déjà mangé? Non, à cette heure-là, je n'en avais pas du tout envie. Je suis sûre qu'elle n'était pas aussi bonne que la mienne. Ça s'en ment pas. Comme j'en ai fait, alors. Ah bon? Oui. Et oui, quand il rentre de courir, Bernard est toujours affamé. Ça, je m'en doute. Enfin, je ne voudrais pas lui manger sa portion. Mais il y en a pour 3, pour 4, pour 5, hein? Mais c'est comme si tu avais senti que tu allais m'inviter, quoi. Tout comme! Allez, viens me donner un coup de main. Vraiment, c'est parce que tu assistes. Mais oui. Tiens, prends le champagne, on va le mettre dans la glace. Mais dis donc, mais c'est la vraie fiesta ici. Sangria, champagne, choucroute. On ne vit qu'une fois, hein. Et puis ce n'est pas les plus mauvais. Tu ne t'embêtes pas, c'est celui que je préfère. Mais j'ai acheté pour toi. Non. Si. Tu vois que t'as bien fait de venir, hein. J'arrive. Mais pourquoi est-ce que t'es pas partie quand j'ai crié Jacqueline? Enfin, je peux pas partir comme ça, voyons. C'est vrai. Dépêche-toi maintenant. Allez. Oh, alors, pour une fois que tu nous fais à manger, on peut dire que c'est réussi. Hein. Mais on se rattrapera, file. Oh, je rentre dans ces situations. Comme ça. Ben, mon costume. Où est-ce qu'il y a mon costume? Non, mais... Oh. Écoute, j'ai l'impression que je vois les Picasso. Mais non, tu vas te régaler. Oh, ça, je dois dire, ça sent très bon. Ah, c'est ça, hein. Dis donc, mais tu sais que tu as une cravate? Ah bon, ça? Ben là, elle sort de ta robe. C'est bizarre, écoute. En effet. Oh, mais dis donc, t'as oublié le champagne. Et toi, la choucroute? Eh bien, moi, je maintiens, là, il y a bien des faïences. Oui, alors je te dis que je ne voulais plus entendre ce mot. Malheureusement, c'est le seul qui convient. Absolument pas, et je t'interdis de le répéter. Oh, bah, comme tu l'as très bien entendu, c'est complètement inutile. Au moins, t'as les oreilles qui marchent, c'est déjà quelque chose. Oui, eh bien, c'est faux. Ah bon? Elles sont aussi défaillantes que le reste. C'est une obsession ou quoi? Il n'y a pas de défaillance. Si, il y a défaillance quand il n'y a aucun phénomène extérieur qui nous empêche de faire ce qu'on veut. Parce qu'il n'y a aucun phénomène extérieur qui nous empêche. Non. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut? Il n'y a que ça. Comment que ça? Dis donc, la femme de Georges, là, c'est pas un phénomène extérieur? Oui, ça, d'accord. C'était un phénomène extérieur qui était rentré à l'intérieur. Mais maintenant qu'elle est ressortie, c'est un phénomène intérieur qui est redevenu extérieur. Alors, on s'en fout. On s'en fout, mais elle pourra revenir d'une minute à l'autre. Et alors, les verrous, c'est pas fait pour les chiens. C'est ça, et puis on va la laisser sonner. Et ben pourquoi pas? Après tout, le mercredi, c'est notre jour. Mais on est chez elle. Et alors, elle avait qu'à pas rentrer plus tôt. Non, mais c'est pas possible d'entendre ça. C'est tellement énorme. Comment veux-tu que je sois à ce que je fais dans des conditions pareilles, moi? Eh ben, t'as qu'à faire un effort. Un effort? Oui, moi je veux pas attendre jusqu'à la semaine prochaine pour qu'on arrive à se voir. Oui, non, ça je comprends bien, mais puisqu'on ne peut pas faire autrement. Mais si, t'as qu'à dire à Georges qu'on viendra demain. Ah non, non, c'est pas possible ça. Mais pourquoi? Si tu lui expliques qu'aujourd'hui on a été dérangé, il comprendra très bien qu'on ait besoin de compenser. Oui, ben non, il comprendra pas. D'abord, Georges n'est pas du tout intéressé par ce genre de choses. C'est un vrai sportif, lui. Il joue au tennis, puis alors il joue vraiment. Il ne comprendra rien du tout. Les types qui jouent au tennis sont quand même pas tous des abrutis. Oui, pas tous. Mais en général, pour eux, le sexe passe après la raquette. Bon, alors en se dépêchant, on a encore le temps. Si on y va tout de suite. Mais non. Je... Mais j'ai envie. Oh, enfin, tu as vu l'heure. Bon, eh ben, je viendrai demain. Ah non, tu feras pas ça. Ah hein, si, on le vient. Enfin, non, mais c'est pas possible. Je devrais déjà être parti. Moi, mais toi. Juste 5 minutes, puis tu rentreras en courant. C'est ça. Puis après 5 minutes comme ça, j'aurais plus de jambes, je pourrais plus courir. Moi. Mais si. Oh, non, non, c'est beaucoup trop dangereux. Bon, comme tu voudras. Enfin, Minou, sois gentil. Si t'es gentil, tout ira bien. Promis. Mais oui. Bon, tu vas mettre un peu d'ordre dans la cuisine, et pendant ce temps-là, moi, je vais m'habiller. Hein. C'est pas marrant pour moi, mais alors pas marrant du tout. Oh là là, c'est pas possible, c'est pas possible. Ah bon, c'est permanent? Quoi? Dès qu'une séance est terminée, on enchaîne avec une autre? Comment? Si vous avez rancœur avec une copine, vaut mieux annuler. Mais qu'est-ce que vous dites? Que la femme de Georges est rentrée. Oui, bon, ben ça, je sais. Alors, si j'étais vous, je traînerais pas dans le coin. Non, mais vous, qu'est-ce que vous faites ici? Vous devriez déjà être partie depuis longtemps. Mais vous énervez pas, c'est ce que je fais, je pars. Mais comme sa femme va rappliquer d'une minute à l'autre, je vous conseillais simplement de débarrasser le plancher en même temps que moi. Moi, j'habite ici. Comment? Oui, Georges, c'est moi. Oh, pardon, excusez. Comme j'ai pas le plaisir de vous connaître. Mais bon, ben ça va bien, ça va bien, ça va bien. Vu qu'on n'a jamais eu l'honneur d'être présenté. Oui, bon, ben ça va bien, ça va bien, ça va bien. Forcément, hein, puisque vous êtes jamais là quand j'y suis. Oui, bon, ben ça va bien, ça va bien, ça va bien. Bon, eh ben je vais pas vous embêter plus longtemps. Je finis de ranger ma cuisine et on s'en va. Comment ça, on s'en va? Bah oui, Bernard et moi. Quoi, il est encore là? Ah, faut quand même lui laisser le temps de s'habiller. Oh, dis donc. Quoi? Vous jouez toujours au tennis en robe de chambre? Il a, c'est pas pour critiquer, mais il est rouge, hein. Ah ouais, ça, il l'est énormément, tu vois. Trop long. J'espère que je t'ai pas empêché d'aller dans ta chambre. Bah non. Non, tu dis ça parce que j'ai l'impression que tu voulais peut-être t'habiller, là. Oh non, non, non, non, non, non, non, non, non. J'arrive à l'instant. Ah ouais, comme ça, c'est... Ouais, ouais, en vélo. Attends. En somme, tu étais dehors, comme ça, en vélo. Ah oui, quoi, c'est pas défendu. Non, non, mais ça te gêne pas, moi, tu sais. Comme tu m'as dit que tu t'étais mis au tennis... Ah ouais, t'as raison, hein. Ça y est, je m'y suis mis, hein. Oh, tu permets que je... Je t'en prie, ça peut, ça peut. Mais alors, comment ça se fait que... Comment ça se fait que quoi? Attends, t'as oublié celui-là, attends. Que tu as perdu tes habits. Ah, perdu mes... Oui, je suppose que t'es sorti avec, enfin, pas comme ça. Bah, évidemment. Évidemment. Enfin, évidemment. Et tu t'imagines tout de même pas que je suis parti comme ça. Tu te prends pour quoi? Non, mais là, tu me rassures, là. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé, là? Ah, ça t'intéresse? Ouais, un peu, ouais. Eh ben, je suis tombé de vélo. Ah, c'est ça, et en tombant, t'as perdu ton pantalon. Voilà, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Et c'est à cause des roues. Comment? Non, j'ai dit c'est à cause des roues. Ah ouais, les roues, ouais. Les roues du vélo. Ouais. Elles tournaient pas rond. Non, pourquoi? Parce que... mon pantalon. Et il s'est pris dans la chaîne. Eh ben, dis donc, quelle histoire, hein. Heureusement que tu t'es arrêté à temps avant de faire le grand soleil, hein. Tu parles, j'ai préféré m'arrêter tout de suite, avant que le soleil se lève. Ah oui, c'est le bon moment pour retirer le pantalon, oui. Eh, puisque je te dis qu'il était coincé dans la chaîne. Ah ben oui, c'est juste. Alors, j'avais pas gardé un pantalon avec un vélo accroché autour. C'est vrai que c'est pas pratique. Hein. Alors j'ai préféré l'enlever tout de suite. Hein. Mais alors pourquoi est-ce que tu n'as pas tes chaussures? Ah ben parce que pour me débarrasser du vélo, j'ai dû retirer mon pantalon. Mais pour enlever le pantalon, et j'ai dû ôter mes chaussures. Hein. Mais alors t'avais pas besoin d'enlever ton veston. Hein. Oh, ça m'a donné une de ses souhaits, cette histoire. J'étais en nage. Alors je me suis dit, tiens, je vais retirer mon veston. Ah ben dis donc, quelle histoire, hein. Heureusement que ta femme t'a pas vu comme ça, hein. Oh, à propos, tu n'es pas au courant. De quoi? Ta femme, elle est rentrée. Ah oui, ça je sais. Ah bon, elle t'a trouvé? Non, mais elle a failli. Comment? Non, non, non. Elle m'a pas vu. Et moi, je l'ai pas vu. Alors, comment est-ce que tu sais qu'elle est rentrée? Comment je le sais, enfin, cette question? Comment je sais, enfin, cette question? Comment je le sais? Hey, j'ai bien reconnu sa valise. Non, ne me dis pas qu'elle vous a... Vous trouvez tous les deux en train de... Non, pas en train de... Non, mais t'as vu, toi, et... Minou et moi, oui, ça, oui. C'est pas que tu nous portes ton appartement tous les mercredis? Enfin, tu t'imagines tout de même pas que je lui dis ça. Mais bon, sans j'y pense. T'as quand même pas l'impression qu'en ce moment, ta femme est chez moi en train de tout raconter à la mienne? Si vite, ah non, ça m'étonnerait. Parce que ce qu'on a de mieux à faire, c'est d'éviter qu'elle se voie, hein. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, hein. Oui, mais là, elle va arriver, moi, il faut que je m'habille. Bah, je croyais que vous étiez pressé. Non, on causait. J'espère que votre femme n'est pas venue vous déranger pendant votre petit jeu. Quel petit jeu? Le tennis. Ah, non, elle m'a pas trouvé, j'étais caché derrière ma raquette. En tout cas, on voit qu'elle vous manque quand elle est pas là. Hein, pourquoi? Bah, vous êtes dans un état. Non, mais forcément, parce que les roues ont coincé la chaîne de son veston. Alors il a perdu ses chaussures pour récupérer le caleçon qui était dans le vélo de son pantalon. Et ce qui m'en dit, c'est que j'ai pas retrouvé ma casquette. Hein. Est-ce que t'as bien regardé dans tes chaussettes? Mais non, j'ai perdu mes lunettes. Oh, bah, en effet, je me disais aussi... Ah! Allô? Allô? Allô? Allô, qui est à l'appareil? Quel numéro demandez-vous? Eh bien, le 4265 5526. Quittez pas, c'est pour vous. Hein, c'est pour vous? Allô? Allô, c'est toi, Georges? Oui, bien sûr. Ah bon, tu es bien rentré, chérie? Oui, bien sûr. C'était juste pour savoir. Oui, bien sûr. Tu es seule? Oui, bien sûr. Alors tout va bien? Oui, bien sûr. J'ai essayé de retenir ta femme aussi longtemps que j'ai pu. Oui, bien sûr. Pour que t'aies le temps de rentrer avant elle. Oui, bien sûr. Elle vient de partir il y a 5 minutes. Hein. Oui, bien sûr. Quoi? Qui c'était? Jacqueline. Oui, bien sûr. Ah, ma chérie. C'est toi, alors tu es de retour. Enfin, qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu m'appelles d'une cabine? Bien sûr que non, je suis à la maison. Ah, tu vas pas tarder à arriver, alors. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? T'es tombé sur la tête ou quoi? Tu arrives? Quoi? Ah, ça, alors, faut essayer, ça va être sérieuse. Oui, parce que moi, je t'attendais que demain. Demain? Bah oui, tu te souviens, demain soir, on avait même dit qu'on se ferait une petite fête tous les deux demain soir. Chez toi? Oh, chic! Alors, ta femme sera déjà repartie? Quoi? Oh, est-ce que je suis contente? La même heure que d'habitude? C'est-à-dire que... Oh, chérie, alors à demain chez toi. Non, attends, il y a quelqu'un qui frappe à la porte, faut que j'aille voir. Bon, alors à demain, mon amour, j'aimerais jouer. Quoi? Mais qui c'était? Oh, mais c'est Jacqueline, sa femme. Oui, elle m'appelle d'une cabine potophonique pour la fausse post-prophonique. Elle appelle quoi? Elle rentre? Elle arrive. Bon, bébé, partons avant. Ouais. C'est ce qu'on a de mieux à faire. Et encore merci pour ton hospitalité. Non, je t'en prie, tout le plaisir était pour moi. Ça, c'est bien vrai. Parce que pour les autres, Tintin. Chérie, quelle surprise! Tu disais que je te cherchais partout. Eh ben, mais j'étais là. Ah non, pas quand je suis passée. Hein? Ah oui, alors oui. Oui, alors je devais être encore au Racing. Mais tu ne m'avais pas dit que tu t'étais mis au tennis. Ah, tu sais, j'ai voulu te faire la surprise parce que, entre nous, je ne suis pas encore au stade de la compétition. Hein. Et aujourd'hui, tu t'es bien entraînée? Oui, ça va, toi, ça suit son cours. Quoi. Alors, comme je ne t'ai pas trouvé, oui. Eh bien, j'ai fait assaut chez Brigitte. Ah. Elle m'a fait goûter une sangria et une choucroute extra. C'est dommage que tu aies raté ça. Ah, tu sais quoi, en sortant du Racing, j'ai failli passer les voir. Ah. C'est vrai, j'ai un truc à dire à Bernard. Il n'était pas là. Ah bon? Non, il était sorti. Ah, où ça? Faire de la course à pied. Ah oui, c'est vrai, il m'avait dit qu'il s'était mis au jogging pour sa ligne. Il n'y a pas que le jogging qu'il fait pour sa ligne. Ah bon, tu veux voir quelque chose? Non, ça va, j'ai bu pas mal de champagne. Le champagne, t'as bu de champagne? Ah, tu as bu du champagne? Très très bon. J'ai vu qu'on vendait même chez l'épicier du bout de la rue. Oui, ils en font un peu partout maintenant du champagne, ça se vend bien. Eh bien, réflexion faite, je vais quand même boire quelque chose. Bon! Enfin, on ne doit pas traîner. Traîner. Déjà tout près de coucher. Ah oui, c'est vrai, ben en rentrant, je me dis, oh là, poudre, je suis crevé. Allez, tiens, toi, je vais me mettre en robe de chambre. Dis ça, moi je te connais, va. Je sais ce qui m'attend. Ah, à vous? Tim. Où vas-tu? Nulle part. Non, si j'allais prendre un petit peu l'air. Ah bon, maintenant? Oui, pourquoi? Que tu iras tout à l'heure. Ah, bah oui, d'accord. Alors, est-ce que tu es content de me voir? Oh oui, oh ça, je suis content, content, content, content. Quand j'ai vu ta valise, je me suis dit, oh, elle est de retour. Bon, tiens, je vais te la défaire. Mais non, c'est pas la peine, je crois ça demain. Mais si, parce qu'il y a des affaires. Mais écoute, chérie. Oui. Parce qu'on a affaire maintenant. Ah bon? Je n'ai pas tellement besoin de robe. Tu sais, chérie, j'ai vraiment l'impression que tu te donnes trop. Comment? Bah oui, regarde-toi, t'es dans un état. Non, c'est pas ça, il faut que je retrouve mon souffle, là, tu vois. Moi, je crois que tu exagères un peu, tu sais. Oui, en ce moment, on dirait que c'est beaucoup trop, et finalement, après, eh bien, je me sens beaucoup mieux. Et comme j'ai la tension de mes 20 ans, là... Ça veut pas dire que tu peux faire tout ce que font les types de 20 ans. Mais si, mais si, et pour commencer, je vais prendre un verre, puis on va, ça va me remettre. Tu sais que Jacqueline sort d'ici? Jacqueline? Quelle Jacqueline? Ben, la femme de Georges. Ah oui, cette Jacqueline-là! Si, ah ben, on n'en connaît pas d'autres. Mais je croyais qu'elle était en Angleterre. Oui, et ben, elle est rentrée plus tôt que prévu. Oui, ben, on aura dû téléphoner à Georges pour lui dire qu'elle revenait. Ça, n'est-ce pas? Elle ne l'aurait pas trouvée. Ah non? Ah ben non, aujourd'hui, c'est son jour de tennis. Ah oui, oui, en effet, oui, oui, Jacqueline. Jacqueline m'a dit que Georges s'était mis au tennis. Oui, oui, oui, alors il y va tous les mercredis. Ah, c'est drôle, hein. Lui qui ne faisait jamais rien, qu'il soit lancé là-dedans brusquement, il doit être doué. Hein. Ah oui, ça, il l'est, oui. Comment? Ah non, j'ai dit, il doit l'être, hein, sur son espace. Bah oui, il n'y jouerait pas. Ce que je me demande, c'est pourquoi Jacqueline est venue te voir. Ah, bah sans doute parce que Georges était au tennis. Hein. Oui, oui, mais maintenant, il doit être rentré. Ah oui, ça, il l'est, oui. Comment tu le sais? Ah non, non, mais je dis qu'à cette heure-ci, il est forcément rentré. Ah oui. Même s'il aime le tennis, il ne va pas y jouer toute la nuit. En tout cas, j'espère qu'il trouvera quelque chose à manger chez lui. Qui, Georges? Bah oui, ça doit être crevant de jouer au tennis. Hein. Et comme il n'a pas mangé... Comment tu peux savoir? Ah non, mais je sais pas, je suppose, puisque Jacqueline n'était pas là. Oui, oui, oh, mais je le connais. Même s'il n'avait rien de prêt, c'est pas lui qui va se laisser abattre. Oui. Non, non, il est assez grand pour aller au restaurant. Oui, ça c'est sûr, oui. En tout cas, toi, t'as plus de chance que lui. Ah bon? Parce que moi, j'ai tout préparé. Ah bon? Oui, mais après tous ces efforts, il faut que tu te retapes un peu. Parce qu'à force d'éliminer comme ça, tu vas perdre ton magnésium. Oh, mais non! Ton potassium. Oh, mais non! Oui, tout ton phosphore. Oh, non, mais non, mais tu sais, maintenant, ça va, ça y est, j'ai repris, tu vois. Bah oui, non, mais ça sûr, j'ai pas tellement faim. Si, mais tu t'en rends plus compte parce que t'es épuisé. Non, mais maintenant ça va mieux, je t'assure. Hein. Quand tu vas voir ce que je t'ai fait, non seulement tu vas te jeter dessus, mais tu vas en demander. Hein. Ah bon? Une belle choucroute. Attends. Ah, oh. Ne me dis pas, ça ne te fait pas plaisir. Ah si, si, si, si, si. Alors là, moi j'adore là. Ah, c'est bien ça, j'en suis fou. Mais. Y a pas de mais, je vais t'en faire une portion géante. Déshabille-toi. Hein? Oui, pendant que je vais la chercher, comme ça, dès qu'on aura fini, on pourra aller se coucher. Se coucher? Il n'y a qu'à te regarder pour savoir que t'en crèves d'envie. Ouais, Tu sais, chérie? Oui? J'ai bien réfléchi. Ah, pourquoi? Eh bien, je trouve que ce n'est pas prudent. Quoi donc? Bah, de laisser une clé de secours dans les géraniums. Les géraniums? Bah oui, tout le monde pourrait la prendre. La clé de secours. Et n'importe qui pourrait entrer. Et oui, et puis quelle argenterie. Entre autres. Ah, et tout le reste. Ah, quel reste hein. N'importe quoi. S'installer, faire la cuisine, ah. Se mettre tout nu. Tout nu. Pourquoi faire? Je ne sais pas, moi. Pour laisser sécher des vêtements ou se faire ausculter par une déléguée du SAMU. Une déléguée du SAMU. Ah, vraiment, ma chérie, tu débordes d'imagination. C'est à cause de cette clé de secours que je pense à tout ça. Alors? Oh. Elle n'a pas l'air extra? Oh, si, si, extra. Je parie que tu t'y attendais pas. Ah non, ça, vraiment pas. Je... Mais quand on court, tu sais... Oh oui, je sais, oui, oui. On ne peut pas penser à autre chose. Mais tu sais, c'est tout à fait par hasard, parce que d'habitude, je ne le fais pas. Quoi? Eh bien, de laisser la clé de secours dans le géranium. Oui, oui, mais enfin là, tu l'as laissée. Oui, tu... Allons-y. Où ça? Au lit. Maintenant? Eh bien oui, tu n'en as pas envie? Oh si, si, si, j'en ai très, très envie. J'en étais sûre. Comme il y a 15 jours que je suis partie, ça doit te manquer. Ah oui, oui, ah oui, mais tu sais, là, je ne sais pas ce que j'ai, tout d'un coup, j'ai très, très faim. Mais alors, une faim de voleur, hein. Ça doit être la joie de te revoir. Vraiment, il faut que je mange. Quoi? Si ça ne t'ennuie pas, je te laisse manger seule, je suis un petit peu fatiguée. Ah bon, d'accord. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Ah, tu sais, je... J'en ai pas pour longtemps. C'est... Ne te presse pas, je vais sûrement m'endormir tout de suite. Hein. Alors finis ta choucroute. Je ne veux pas qu'il en reste. Hein. Alors comme ça, tu as faim. Eh bien oui, ça m'a pris tout d'un coup. Mais je croyais que tu avais dîné. Hein, mais quand est-ce que j'aurais dîné? Où est-ce que j'aurais dîné? Ça, je ne sais pas. En total, j'ai faim. Bon. Eh bien, puisque tu préfères manger... Ben, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me coucher. Puisque tu as faim, tu trouveras de la choucroute toute chaude dans la cuisine. La choucroute. La choucroute. J'ai dormi comme un ange. Oui, j'ai vu ça. Mais tu sors? Bah, évidemment, je sors. Je vais au bureau, moi. Je travaille toute la semaine, moi. Je suis pas à mi-temps chez un commissaire-priseur, moi. Bon, ne t'énerve pas. T'as l'intention de retourner courir aujourd'hui? 2 jours de suite, tu rêves, là. Pourquoi pas, puisque tu aimes ça? Ah oui, j'aime ça. Enfin, c'est pas une raison pour me crever. Non, bien sûr, non. Mais enfin, comme tu m'as dit que ça ne te fatiguait pas, tu peux encore y aller si tu en as envie. On dirait que ça te dérange que je n'y aille pas. Moi, pas du tout, non. C'est pour toi, pour que toi, tu ne restes pas seule ce soir. Pas seule ce soir? Eh oui, puisque je ne serai pas là. Ah, tu ne seras pas là? Eh non, j'ai accepté une invitation. Ah oui, c'est ça, une invitation. Oui, c'est ça. Est-ce que par hasard, cette invitation aurait un rapport avec des pinces à vélo? Qu'est-ce que tu dis? Je te demande si tu vas à cette invitation en bicyclette. Quelle drôle d'idée! Oui ou non, est-ce que tu fais de la bicyclette? Non, je fais pas de bicyclette. Je vois vraiment pas pourquoi tu voudrais que je fasse de la bicyclette. Je ne veux pas, je te le demande. Ah bah je te réponds non, je ne fais pas de bicyclette. D'ailleurs, si je faisais de la bicyclette, je mettrais pas de passe à vélo. Pourquoi pas? Ah bah parce que si je faisais de la bicyclette, j'en ferais en short. Oui, c'est bien ce que je pense. Quoi? Non, rien. Alors tu vas sûrement pouvoir me dire ce que c'est que ça. Oh, ça, c'est des passes à vélo. Bravo, t'as gagné. Elles sont pas mal, d'ailleurs. Remarque, je suis pas très compétente, mais des jaunes, lumineuses, comme ça, c'est original, hein, ça fait gai. Oui, c'est tordant. Hein. Tu les as achetées où? Je ne les ai pas achetées. Ah, on te les a données. Non, je les ai trouvées ici, sur la table, là. Oh! Elles étaient là? Oui, là. Et dire que je les ai cherchées partout. Eh bien, si tu as eu peur que je les trouve, c'est gagné. Hein? Pourquoi est-ce que j'aurais peur que tu les trouves? Ne te fous pas de moi, veux-tu? Hein? Moi, je me fous. Oui, parce que ce sont des pinces à vélo d'hommes. Ça, forcément, hein, puisque les femmes n'en mettent pas aux shorts. Arrête de te foutre de moi, veux-tu? Hein? À qui sont-elles? Cette question. À qui veux-tu qu'elles soient? À l'épicier? À l'épicier. Enfin, au livreur de l'épicier qui m'a livré une commande, que j'avais commandée. Et qu'il avait dans le panier qui est sur son vélo. Ouais, mais alors pourquoi est-ce qu'il a ôté ses pinces? Oh, alors ça, je ne lui ai pas demandé. Hein. Peut-être qu'à la longue, elle lui a arrêté la circulation du sang. Et que ça aurait pu l'empêcher de livrer. Mais alors pourquoi est-ce qu'il les a posés là au lieu de les mettre dans sa poche? Mais je sais pas du tout, moi. Peut-être qu'il se sentait déjà très chargé avec tout ce qu'il a livré. Hein. C'est très lourd, alors, avec les pinces en plus. Oui, mais alors, une fois qu'il avait fini de livrer, il devait se sentir plus léger. Hein. Ah oui, ça c'est sûr, oui. Mais alors pourquoi est-ce qu'il les a pas repris? Pourquoi? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Sans doute qu'il les a oubliés. T'aurais pu les lui donner. Ah, ça, bien sûr. Si j'avais su qu'il les avait laissés là, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Bon. Bien. Il n'y a pas de bon, bien. Quand je te dis qu'elles sont au livreur, elles sont au livreur. Bon. Bien. À qui voudrais-tu qu'elles soient? Je ne sais pas, bah, peut-être à ton amant. À mon amant? Pourquoi pas? Alors, d'après toi, je serai la maîtresse d'un coureur cycliste. Pourquoi pas? Alors, peut-être que tu penses aussi que c'est l'épicier, enfin, son livreur qui est mon amant. Bah, pourquoi pas? Parce que tu sais, il y a des tas de gens qui font du vélo, il n'y a pas que les livreurs et les coureurs cyclistes. Les amants aussi font du vélo. Oui, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Ah, oui, non, évidemment, là, c'est peut-être un peu ridicule. Pourquoi? Hein, je pourrais très bien avoir un amant qui fait du vélo, sans que ce soit ridicule. Oui, d'accord, mais comme je sais que tu n'en as pas... Ah, et pourquoi pas? Parce que je te connais, je sais bien que tu ne ferais pas ça. Ah, et pourquoi pas? Parce que je suis ton mari. Eh bien, ben, c'est justement parce que je suis ta femme que je pourrais avoir un amant. Mais non! Mais si, tous les mercredis, quand tu t'en vas courir, il attend que tu sortes et hop! Il arrive avec son vélo. Oh, je t'en prie. Quoi, c'est pas impossible? Mais si, c'est impossible, voyons. Alors, tu vois bien que tu peux être tranquille. Mais oui, bien sûr. Je te suis aussi fidèle que tu me l'es. Hein? Ah oui, d'accord. Bon, dis donc, je vais être en retard, faut que j'y aille, là. Hein. C'est ça, j'essaierai de ne pas rentrer trop tard. Comment? Ah ben oui, c'est vrai que tu sortais ce soir, oui. Allô? Comment? Allô, oui, qui est à l'appareil? Allô? Allô? Allô? Qui c'était? Je ne sais pas, quelqu'un qui toussait. Hein? À ce tour-ci au téléphone? Bien oui, la preuve. À propos, tu as aimé la choucroute? Ah, délicieuse, formidable, très bonne. Bon, allez, j'y vais, hein? Tu vas au bureau comme ça? Hein? Oui, pourquoi pas? Je ne sais pas, mais en général, tu es moins sport. Hein? Ah, bah oui, parce que j'ai pas trouvé mon costume beige. Comment tu ne l'as pas retrouvé? Enfin, si je veux dire que je l'ai donné à nettoyer. Alors, j'ai presque tombé sous la main, dans le placard. Ne me dis pas qu'en plus du tennis, tu t'es aussi mis au golf. Au golf? Hein? Bah, oui, rapport à ses chaussures. Ça fait très rustique. Ah bah oui, c'est parce que j'ai donné les autres à ressembler. C'est insensé. Je pars 15 jours et tu n'as plus rien à te mettre. Mais si, j'ai tout ce qu'il faut. Enfin, j'ai mis ces chaussures-là parce que je trouvais qu'elles allaient bien avec l'ensemble. C'est d'une laideur. Enfin, si ça te plaît, hein. Ah, allez, j'y vais, hein. Oh, chérie. Oui, à propos, j'ai oublié de te dire. Quoi, moi? Il y a quelque chose que tu ne sais pas. Et tu as intérêt à t'asseoir parce que ça va te donner un choc. Oh, mais là, en vitesse, hein, parce que je suis pas en avance, moi. Voilà. Oui. C'est au sujet des pélargoniums. Des géraniums, oui. Où est-ce que tu crois que ton ami Bernard a passé la soirée d'hier? Dans les géraniums. Non, je sais, oui, le mercredi, il va courir au bois pour sa ligne. C'est exact. Il a commencé à courir dans le bois, hein? Mais il a terminé sa course chez nous avec une fille. Avec une fille? Tu plaisantes. C'est pas du tout son genre. Pourtant, je l'ai vu. Il me l'a même présenté. Oh non! Et il m'a dit que c'était une déléguée à pied. Du SAMU. De la à papier. Ah oui, tu veux dire une déléguée à pied du SAMU? Eh bien oui, du SAMU. On articule, voyons. Ah oui, je sais que je vois de qui tu veux parler. Ah oui, tu veux parler de cette fille-là. Oui. Et pourquoi tu la connais? Oh, si je la connais, tu penses que je la connais? Elle est toute petite, hein? Oui. Oui, et elle a même plein de cheveux sur la tête. Hein. Oui. Ah oui, ça c'est tout à fait. Alors, je peux te dire que c'est une fille très, très, très, très, très bien à tout point de vue. Vraiment? Ah, tout à fait. Mais alors, tout à fait. Ah bon? Ah, tout à fait. Je sais sais pas comment t'expliquer. Ça m'intéresserait quand même. Ah bon, c'est dingue, ça. Eh bien, comment... enfin, tu sais que, bon, Bernard, il est comme moi, il est plutôt jeune. Et alors? Bah alors, à son âge, quand on fait du sport, et on faut y aller sur la pointe des pieds. Surtout quand on fait de la course à pied. Ouais, enfin, tu vois très bien ce que je veux dire. Non, pas bien. Oh, écoute, ça m'ennuie, moi, de tenir ça, du moment, parce que c'est... Enfin, mais pourquoi? Bah, parce que c'est des confidences, Dan, ça m'ennuie. Hein? Bah écoute, je vais te la dire, hein. Alors dis-le. Mais bon, je vais te la dire. À toi, je vais te la dire. Bon, alors je vais tout te dire, voilà. Je vais te la dire, bon. Eh ben, laisse-moi parler. Ne m'interromps pas tout le temps. Ah. Enfin, tu sais que Bernard, a le cœur qui... Le cœur qui quoi? Ah, t'étais pas au courant? Non. Ah ben, le cœur qui va pas bien. Il a même le cœur qui va pas fort du tout. Il paraît qu'il aurait perdu un battement sur deux. Alors c'est pour ça que lorsqu'il va courir, tu comprends, mais il se fait accompagner par quelqu'un en cas où il aura un malaise. Alors c'est pour ça que cette fille, enfin je veux dire, cette garde ou plus ou moins cette déléguée à pied... Court avec lui. Ah ça je sais pas si elle court tout le temps, mais en fait disons qu'elle reste à proximité, tu comprends? Très bien, très bien. En cas où, tu comprends? Où il aurait un malaise. Et certainement qu'hier soir, il a dû avoir un petit malaise comme ça, et c'est pour ça qu'il a eu besoin de soins immédiats. Mais pas du tout! Il s'est pris les pieds dans la racine d'un chêne, et il est tombé dans une flaque. C'est une flaque! C'est lui qui t'a dit ça? Textuel. Mais il allait pas te dire la vérité, il a sa fierté et son orgueil. Mais alors cette fille est vraiment une déléguée! À pied, du SAMU, hein, tout à fait. C'est la brigade piétonne. Mais elle n'est pas du tout habillée comme quelqu'un du SAMU. Bah évidemment, puisque personne ne doit être au courant. Alors il faut surtout pas qu'elle ait l'air d'en être. Tu comprends? Bon, allez, là-dessus, je me sauve. Hein. Chérie, oui, quoi? Tu ne m'en veux pas trop d'avoir cru. Mais pas du tout, hein, chérie, pas du tout. Si tu n'étais pas rentrée plus tôt, tu n'aurais pas découvert cette situation dramatique. Ça, je dois dire. Mais c'est parce que je les ai vus que j'ai préféré t'en parler. Ah, tu as bien fait. Ça, tu as bien fait, parce qu'en ce moment, tu serais à t'imaginer, tu sais quoi. Ça, c'est vrai. Hein? Alors, tu comprends maintenant pourquoi je laisse la clé chez Gérard Donium. C'est en cas d'urgence. Voilà, c'est en cas de... Bon, allez, j'y vais, hein. Ah, et surtout, pas un mot à Brigitte. Il faut surtout pas qu'elle sache qu'il a besoin d'une garde. Hein, parce que pour lui, ça, le choc, ça serait catastrophique, tu vois, il faut... Bon, allez, à plus tard, hein. Georges est parti? Oui, oui. Ah, tant mieux. Remarque, si tu l'avais vu accoutré comme il était, tu l'aurais peut-être pas reconnu. Enfin, l'essentiel, c'est qu'il soit habillé. Hein. Comment? Ah oui, non, rien, c'est pas... Mais tu ne vas pas t'asseoir. Allonger un peu tes jambes. Quoi? Je ne sais pas, tu as l'air essoufflé. Alors écoute, hein, si tu veux te reposer... Oui, non, mais je sors du lit, je suis pas tellement fatigué. Hein. Alors je vais te faire un petit décaféiné. Pourquoi? Non, j'aime mieux celui-là, c'est du vrai. Bon, bah si tu veux. Hein. Du sucre? Ah non, non, ça, jamais. C'est bien, c'est très bien, ça. Ah bon? Ah bon? Je suppose que tu te doutes pourquoi je suis là. Non, pas du tout. Eh bien, n'est-ce pas, c'est à propos de... Enfin, quand tu m'as trouvé avec... Ah oui, avec Minou. Oui, voilà, oui, merci. Ça m'a un peu étonné. Enfin, comme je ne me doutais de rien. Et oui, alors, Georges m'avait donné sa parole et... Il s'est gardé un secret, lui, hein. Alors, si tu n'étais pas revenu plus tôt, bah, tu ne nous aurais pas trouvé, hein. Ça, sûrement pas. Non, parce que tu comprends ce que je t'ai raconté à propos de l'arbre, de la flaque, enfin, quand je suis tombé, quoi, je... Mais ne t'inquiète pas, la vérité, maintenant, je la connais. Ah bon, tu la connais? Bah, évidemment. Georges m'a tout expliqué. Quoi? Mais oui. Oh, le salaud! Mais non! Oh, le salaud! Mais non, calme-toi! Calme-toi! Non! Respire! Attends! Respire! Respire! Le salaud! Mais moi, je trouve qu'il a bien fait! Ah bon, tu trouves, toi? Mais oui! Alors, il ne faut pas lui en vouloir. Mais un jour ou l'autre, je l'aurais su. Enfin, tout le monde l'aurait su. Tu sais, ces choses-là, ça finit toujours par se savoir. Mais non, pas si personne ne dit rien! Quand ça arrive à ce point-là, je pense qu'il vaut mieux que ça sèche. Ah bon, tu crois, toi? Bien sûr! Enfin, de toute façon, tu n'as pas à avoir honte. Ah non? Bien sûr que non. Et si tout le monde le sait, oui. Eh bien, tu n'auras plus besoin de te cacher. Tu seras beaucoup plus relax. Ah bon, tu crois vraiment? Remarque, je suis content que tu prennes ça comme ça, n'est-ce pas? Parce que si je suis là, n'est-ce pas, c'est surtout parce que je voudrais pas que Brigitte la prenne. Bon, toi, que tu sois au courant, bon, à la rigueur, mais alors elle, je la connais, elle va m'en faire toute une histoire. Hein. Parce que quand ces choses-là arrivent, bon, ben elles arrivent, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Faut quand même pas exagérer, pas leur donner trop d'importance, tu vois. Alors, ça m'embête un peu de demander ça, mais je voudrais surtout pas que Brigitte ait de la peine, qu'elle se fasse du souci, enfin, tu vois. Oui, je vois. C'est très bien de ta part. T'es vraiment un type très bien. Ah ça, très très bien. Chapeau, je t'admire. Oh bon. Tu es super. Bon, puisque c'est ce que tu veux, eh bien tu peux être tranquille, je ne dirai rien. Je te promets, Brigitte ne fera jamais rien. Non, c'est vrai. Hein. Parole. Oh, merci. Oh, t'es une fille formidable, toi aussi. Ah non, c'est vrai. Mais je savais, hein, je pouvais compter sur toi. Il faut dire que, avec tous les voyages que tu fais dans le monde entier, là, t'as dû en rencontrer des types comme moi un peu partout, non? C'est vrai, j'en ai vu pas mal, enfin, il y en a beaucoup. Mais, en général, ils le disent à leur femme. Et, ah bon, ils le disent, hein? Oui, ça, ils n'ont pas ton tact ni ta délicatesse, n'est-ce pas? Non, mais comme ça, s'ils font brusquement une poussée... Eh bien, elles savent pourquoi, parce qu'elles sont au courant. Mais non, on en apprend tous les jours avec toi. Hein. Ah non, ça, on devrait voyager davantage. Ça, sûrement. Promets-moi que tu ne vas pas recommencer à courir ce soir. Ce soir? Non, non, non, je cours que le mercredi. Je crois que tu as raison. Plusieurs fois par semaine, ça fatiguerait vraiment trop. Oui, enfin, quand même. Hein, je crois. Bon, dis-moi, oui. Comment on ne s'est pas vu depuis que je suis partie? Oui. Ce sera très sympa que tu viennes dîner avec Brigitte. Tu trouves pas ça un peu gênant maintenant que tu sais tout à propos de Milou? Ben pourquoi? On est toujours les mêmes, hein? On n'a pas changé pour une petite faiblesse du cœur. Tu sais que tu raisonnes comme un homme. Toi? Non, je me mets à ta place, c'est tout. Ah ben tu y arrives. Et tu y arrives même drôlement bien. Alors c'est d'accord pour ce soir? Ah ben oui, oui. Et puis ici, tu seras en sécurité. Ah bon, en sécurité? Bien oui, j'ai mon brevet de secouriste. De secouriste? Alors ça, les piqûres, je connais. Ah ben oui, les piqûres, ça peut toujours servir. Là, je vais être en retard. À tout à l'heure. Ah, bon sang, j'y pense. Quoi? Brigitte m'a dit qu'elle sortait ce soir. Eh bien alors, t'as qu'à venir sans elle. Eh bien d'accord. Mais dis donc. Oui. Mais puisque tu es seule, mais amène Minou. Tu veux que j'amène Minou pour dîner? Eh bien oui, puisque ta femme ne peut pas venir. Oui, non, mais ça me gêne. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'il y a de gênant? Après tout, ouais. Minou peut être utile. Utile? Eh bien oui, on ne sait jamais ce qui peut se passer, tiens. Tiens, si tout d'un coup t'avais envie de t'allonger. De m'allonger, là. Ça peut te prendre n'importe quand, n'est-ce pas? Oui, enfin, tout de même. Et comme ça, elle serait là pour te faire ce qu'il faut, si c'était nécessaire. Eh ben, dis donc. Je ne sais pas si j'en aurais des idées aussi larges que toi, mais... Compte sur moi pour les lui élargir. Alors, c'est entendu, tu amènes Minou? Ah oui, bah tiens, tu... Non, ça, je peux vraiment pas. Écoute, oui. Tu fais comme tu veux. Mais si tu changes d'avis, tu sais que j'accueillerai Minou à bras ouverts, c'est tout simple. Oui, c'est tout simple pour toi, mais moi, qu'est-ce que tu veux? J'ai pas ta philosophie grandiose de la vie, alors... Je comprends les choses, c'est tout. Tu sais que t'es comme une mère pour moi. Non, enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais très bien, ce n'est pas une question d'âge. Oui, non, t'es une copine, mais alors une vraie copine. Hein. Ah non, alors moi, je t'adore, hein, parce que pour faire ce que tu fais, alors là, moi, je t'adore. Hein. C'est tout naturel. C'est ça, faut laisser faire la nature. Hein. C'est toi? Ça m'en a tout l'air, hein. Mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Comment, comme ça? Tu vas mettre Zavata au chômage, hein? Oh non, je t'en prie. Enfin, écoute, si on peut plus plaisanter. Oh non, pas avec ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a? Bon, bah, figure-toi que... Ah non, ne dis rien, je sais. Ah bon, tu sais? Tu veux maintenant ce que tu n'as pas pu avoir hier soir, c'est ça, à vous. Oh, je vais pas manger de la choucroute à 10h du matin. Mais qui parle de choucroute? Et on dirait que tu l'as deviné, que j'étais encore presque toute nue. Comment on n'a jamais pu faire l'amour le matin? Ah non, il ne s'agit pas de ça, voyons. Ah, bon, je croyais. Mais non, figure-toi que j'ai oublié. Ah oui, je sais, oui, c'est pour ça que je t'ai téléphoné, mais c'est ta femme qui m'a répondu. Ah, c'est toi qui tout sais? Évidemment, oui. J'allais pas lui dire que t'avais oublié tes pinces. Mes pinces? Ah, et Bernard les a vues, figure-toi. Non. Si. Oh, heureusement que l'épicier était venu, j'ai dit que c'était des siennes. Oh, mon valet, les pinces, ça, je m'en fous. Non, moi, je te parle de mon costume. Oui, parlons-en, je me demande bien pourquoi t'es pas parti avec. Mais comment? Je l'ai cherché partout. J'avais bien plié là sur le fauteuil. Et quand je suis revenu, il n'y était plus. Évidemment. Ta femme était là. Alors, comme elle aurait pu me demander ce que ton costume faisait chez moi, j'ai préféré éviter la question et tout a filé dans le placard. Oh, mais ça fallait le dire. Veux-tu me dire quand j'aurais pu te le dire? Bon, d'accord, d'accord, bon, je m'excuse, mais... Mais alors, mon costume, où il est? Je viens de te dire qu'il était déjà dans le placard. Ah, dans le placard. Il a trouvé mon costume, et comme il y avait mon nom de marqué dedans. Mais non. Mais si, je te jure, il y a mon nom de marqué dedans. Mais non, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Ton pactage. Oh là là, j'ai vu ça. Ah non, mais comme tu m'avais dit que tu l'avais mis dans oui, le... Oui, oui, j'ai essayé, mais j'ai préféré le mettre là-dedans. Oh, tu sais que tu es, mais tu es parfaite. C'est à la femme que tu parles ou à la dame du vestiaire? Ah, que tu es bête, toi. Alors maintenant que t'as récupéré ton costume, tu as changé d'avis? Changé d'avis? Tu as bien raison, tu sais, je suis tout à toi pour tout ce que tu veux. Hein? Non, non, non, non, il s'agit pas de ça, là. Oh, ouais, je me change en vitesse pour aller au bureau. Oh, moi qui croyais que t'avais récupéré ta super forme. Ma super forme, qu'est-ce que tu crois? Ma super forme. Je suis pressé, c'est... Oh, oh, oh, oh, oh, oh là là. Oh, bah quoi? Oh, pourquoi t'as rien d'autre à faire? Ah, écoute, il y a des choses qu'il faut vraiment pas rater. Ah, ouais, ah bon, quoi donc? À toi, comme ça. Ça vaut le coup d'œil. Ah oui, oh, ça, je sais. Oh, ça, ça, je sais, je sais. Ah, un homme comme ça, ça fait toujours rire les femmes. Dis donc, j'y pense. Oui. Hier, puisque t'es parti sans ton costume, t'es rentré comment? En vélo. Oh, j'ai jamais été aussi vite. Ça, je m'en doute. J'aurais quand même payé ma place pour te voir en vélo comme ça. Ah, oh, bah, alors là, t'en aurais été pour tes frais. Bon? Ah, bah oui. J'avais mis une robe de chambre. Ah bon? Oui. Celle de Bernard? Nom de Dieu, c'est vrai, je suis parti avec... Mais qu'est-ce que t'en as fait? Hein? Oh, allez, chez moi dans mon canapé. Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, j'en sais rien, moi, là, j'en sais rien ce qu'il faut faire. Ah, oh, tu sais que pour tromper sa femme, faut vraiment avoir des nerfs en béton, hein? Ne me dis pas qu'on a sonné. Si, si, on a sonné. Oh, c'est pas en béton qu'il faut les avoir, c'est en acier. Mais encore, je me demande si ça sera assez résistant. Brigitte! Hein? Oui, j'arrive! Oui, mais ouvre! Une seconde, j'arrive! Ah oui, mais c'est moi! J'ai compris! Oui, j'arrive, une seconde! Mais enfin, t'es juste derrière, là! Et moi, je suis juste devant! J'ai oublié mes clés, alors comme tu m'as dit que tu sortais ce soir, je suis venu les chercher. Ah! Mais dis donc, mais tu étais retourné au lit? Ah non, non, il n'y a rien eu à faire. Comment? Non, non, non, ah, j'ai dit, j'ai à faire, je ne vais pas aller me coucher maintenant. Hein. De toute façon, j'ai suffisamment dormi. Oui, mais tu ne vas pas rester dans cette tenue toute la journée, hein, à moins que tu n'attendes le livreur. Justement, non, non, non, non, je n'attends pas, non. Il sort d'ici. Oh, arrête. Puisque je te le dis, il est venu chercher ses pinces. Oui, oui, d'accord, d'accord. J'ai dû laisser mes clés dans la cuisine. Est-ce qu'il y a encore du café? Ah oui, toujours, oui. Bon, alors allons à la cuisine, je vais te le servir. Oui, bon, bah d'accord, d'accord, j'y vais. Je suis pas sourd. Ah ben oui, que je ne trouverai pas une goutte d'eau dans la mer. Oui, ça, je sais. Je cherche ta manchette. Quoi? Oui, j'ai laissé tomber un bouton de manchette, alors je cherche. Je me demande bien pourquoi. Et parce qu'il y a un bouton de manchette, ça a deux par deux. Alors pourquoi est-ce que tu en cherches un troisième? Un troisième. Rien, j'en ai une paire. Enfin, je veux dire, j'en ai deux. Enfin, exactement, j'en ai une paire de deux. Hein? Alors quand t'as une paire de deux, si tu divises par deux, ça fait un bouton de chaque côté, le compte est bon. Pourquoi tu m'en gardes? Avec tout ça, je t'ai même pas dit bonjour, comment ça va, Mathieu? Très bien, toi. Ça va. Ça va très bien, parfait. Mais pas comme Rico, mais tu me regardes comme ça. Non, mais quand tu es sorti ce matin, oui. Tu n'étais pas habillé comme ça. Ah non? Bien sûr que non, tu avais ce costume impossible et ces grosses chaussures. Ah oui, ah ben ça je m'en suis débarrassé. Hein. Mais qu'est-ce que tu en as fait? Hein? Ah ben je l'ai offert. Hein? Oui, je l'ai offert à l'abbé Pierre. Ah, il était content, hein. Vraiment très très content. Hein. Alors en échange, pour me remercier, il m'a donné celui-là. Pas mal, hein? Non mais à quoi est-ce que ça lui a servi à l'abbé Pierre que tu lui donnes ton costume? Si t'en as rendu un autre. Mais, bon, réfléchis, le costume que je lui ai donné, il était grand. Alors en taillant bien, il va en faire deux. Alors deux costumes contre un, il y gagne. Ah, c'est un malin, l'abbé. Mais enfin, ce n'est vraiment pas ton genre de te faire habiller par l'abbé Pierre. Mais je ne me fais pas du tout habiller par l'abbé Pierre. J'ai simplement donné pour ses œuvres un costume qui ne te plaisait pas, c'est tout. Tu auras aussi bien pu te changer avant de partir. Mais j'étais tellement en retard, moi j'avais pas le temps. Alors c'est seulement une fois dans la rue que... j'ai pensé à l'abbé Pierre. Alors comme c'était sur mon chemin, j'en ai profité pour faire une bonne action. Voilà, avec tout ça, je boirais bien un verre. Tu veux boire quelque chose? Pourquoi pas? Ah, qu'est-ce que c'est que tous ces amuse-gueules? Eh bien, j'ai pensé que ce serait gentil d'organiser un petit dîner. Ah alors oui? J'ai invité ton ami Bernard. Ah, ça fait. Ça me fait toujours plaisir de le voir. Alors espérons qu'on le gardera longtemps. Comment? Non, je dis que son cœur tiendra, quoi. Ah oui, c'est espérant. Enfin, ce qui m'embête, vois-tu, c'est que Brigitte ne puisse pas venir. Ah oui? Mais non, elle avait déjà organisé sa soirée. Ah, quoi faire? Ça, j'ai ma petite idée là-dessus. Mmh. Parce que quand je suis passée chez elle hier soir, elle avait l'air bizarre. Ça ne s'attendait pas du tout à toi. Elle était surprise, sûrement. Elle est étonnée, c'est tout. Ça, sûrement. Ouais. Parce qu'elle s'est mise à me faire un numéro de samba brésilienne. Ah, de samba. Bref, elle était tellement gênée que je suis sûre qu'elle cachait un homme. Non, c'est pas du tout son genre de cacher un type chez elle. Hein. Pourquoi pas? Non, enfin. Il y avait des vêtements d'hommes partout. Des vêtements d'hommes. Et en plus, j'ai entendu la porte d'entrée qui se fermait dans mon dos. Alors je suis absolument sûre que c'était son type qui filait. Ça, je l'ai raté d'une seconde. Eh ben tant mieux. Comment? Non, j'ai dit tant mieux. Enfin, j'ai dit heureusement que tu l'as pas vu. Mais enfin, la rumeur de quoi vis-à-vis de toi si tu l'avais vu? Enfin, réfléchis. Oui, mais je regrette quand même. Rien que pour savoir le genre de type qui lui plaît. Mais ça n'a aucune espèce d'importance. À mon avis, c'est un vieux. Ah ben ça certainement pas, alors. Ah bon? Mais parce que t'en sais rien. Je vois pas du tout pourquoi tu dis ça. Excuse-moi, mais moi je suis pas du tout de ton avis. Je pense au contraire que c'est un type très jeune. Enfin, dans les 35, 52, maximum. Un type super, voilà. Non, mais je ne comprends pas pourquoi tu t'énerves comme ça. Mais je m'énerve de pas du tout. Moi, enfin, je trouve que c'est pas gentil de ta part de penser que cette pauvre fille couche avec un vieux. C'est vrai, elle est ravissante, Brigitte. Tout le monde est d'accord pour le dire. Ah, je vois pas pourquoi elle irait pas avec un type formidable. Je n'ai pas du tout. Ah, tu as trop bu. Non, j'ai pas bu. Alors, je ne comprends pas que tu dis que j'ai bu parce que j'ai pas bu. Alors, pourquoi tu te mets dans cet état? Eh bien, je suis dans ce que vous voulez dire, j'ai un état. Voilà. Aucun état. Ouais, puis d'abord, je suis très content qu'elle ne vienne pas dîner ce soir. Parce que si tu penses ce que tu penses, eh bien, tu l'auras regardé de travers toute la soirée. Bon, eh bien, alors calme-toi. Ben, je suis très, très, très calme. Et puis, je vais te dire, moi, j'ai horreur de me mêler des affaires des autres. Alors, Brigitte peut faire ce qu'elle veut, quand elle veut, où elle veut, avec qui elle veut. Moi, je m'en fous. Mais ça y est? Ça y est, j'ai fini. Et puis alors? Oh non. Oh non, ça je ne peux pas te le dire. Bah quoi? Enfin si, je crois quand même qu'il faut que je te le dise. Non bah dis-le. Et bien quand on s'est assises toutes les deux pour dîner, mmh. Et bien elle avait une cravate d'homme qui sortait de sa robe. De sa robe? C'est fou, hein? Mais c'est pour ça que ça m'aurait intéressé de voir ce type. Pourquoi? T'as jamais vu un type sans cravate? Mais non! Mais parce que pour mettre sa cravate là, il faut être un drôle de cochon! Ou peut-être obsédé sexuel! C'est sûrement Bernard! Oui, quand on parle de loup. Oh, pardon! C'est vous, entrez! Oh non, excusez-moi, je passais! Juste Vraiment. Entrez, entrez. Je suis ravie que vous ayez pu venir. Ravie. Ah, parce que vous m'attendiez? Non, pas du tout. Mais si. Seulement, on n'était pas sûr que vous viendriez. Georges, qu'est-ce que tu attends pour lui offrir quelque chose? Elle veut rien. Si, elle veut sûrement boire quelque chose. Mais non, elle n'a pas soif. Hein? Vous n'avez pas soif. Tu vois, elle n'a pas soif. Ah, je comprends. Vous n'avez pas le droit de boire de l'alcool pendant que vous êtes en service. Voilà, c'est ça. Mais ce soir, ça ne compte pas. Je vous promets qu'on appellera pas le SAMU. Le SAMU? Alors, qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas, la même chose que vous. Alors, chérie, qu'est-ce que tu attends? Une seconde, je peux pas t'en tourner à fond. Je suis très contente que Bernard se soit décidé. Décidé? Oui, ça le gênait un peu de vous demander de venir. Ah, mais il savait très bien que je viendrais. Ah bon? Oui, seulement moi, je savais pas que vous seriez là. Mais nous vivons ici. Mais je sais, mais je croyais que vous seriez sortis. Mais enfin, voyons, on ne pouvait pas être sortis puisqu'on a invité Bernard à dîner. Et je lui ai même dit de vous amener. Mais alors, si je comprends bien, il ne vous a pas téléphoné? Ah non. Alors, c'est bien ça. Il n'a pas osé vous en parler. Il est tellement discret. Il a dû penser que Georges ne serait pas d'accord. Pourquoi? Avant, il a toujours été d'accord. Voilà, Whisky! Whisky! Quand on boit, on parle pas la bouche pleine, hein. Enfin, l'essentiel, c'est que vous soyez là. Comme ça, Bernard aura la surprise de vous voir. Ah, vous croyez? Georges, oui. Donne-lui quelque chose. Cacahuète. Mais toi, tu devrais aller te changer. Pourquoi? Tu n'as tout de même pas l'intention de garder ce costume. Oh oui, très bien. Il est quand même plus habillé que la dernière fois où on s'est vu. Cacahuète. Ah bon, il portait quoi la dernière fois? Ah, pas grand-chose, hein? Cacahuète. Georges, va te changer, je n'aime pas ce costume. Bon, d'accord, si tu y tiens. Mais oui, j'y tiens beaucoup. Comme ça, tu me fais honte. Oh, bah alors, si c'était à ce point-là... Cacahuète. Vous savez, je trouve que Bernard a beaucoup de chance de vous avoir. À vous trouver? Oui, je vous félicite. Pourquoi? Eh bien, vous êtes toujours à sa disposition. Moi, oui. Mais lui, il a souvent des défaillances. Justement, je suis très contente que vous soyez là pour remonter. Ah oui, mais vous savez, c'est pas tous les jours facile, hein? Oh, ça, je m'en doute. Mais savoir que dès qu'il en a besoin, vous êtes prête à le dorloter, à le soulager, c'est formidable. Si c'est pas trop vous demander, j'en reprendrai bien encore un petit. Bien sûr. Enfin, naturellement, j'avais invité Brigitte. Brigitte? Sa femme. Elle n'a pas pu venir. Ah bah heureusement. Enfin, je veux dire, vous rendez compte de sa tête si elle me voyait. Pourquoi? Elle comprendrait très bien. Vous en êtes sûre? Ah ça, absolument. Elle aime beaucoup son mari. Alors c'est assez normal qu'elle aime aussi celle qui lui fait du bien. Ah! Oh bah ça, ça m'épaterait quand même, hein? Ah bon? Mais oui, parce qu'elle n'est pas censée savoir que... Que vous prenez soin de Bernard. Ça, je sais. C'est lui? J'ai pensé que ce modeste bouquet... Mais tu es fou, c'est trop gentil. Salut! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Vous voyez, Minou, je vous avais bien dit que vous lui feriez une surprise. T'es vraiment idiot. Oui, mais enfin... Il paraît que tu lui as même pas téléphoné alors que je t'avais dit de l'amener. Oui, non, mais comment ça se fait que je sois là? Parce qu'elle est passée par hasard. Elles sont superbes. On les mangera en salade. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Eh ben, je t'avais bien dit que je viendrais. Mais j'ai pas pensé que tu le ferais. Eh ben, t'as eu tort, parce que moi, j'étais sûre que tu te serais débrouillé avec Georges pour avoir l'appartement. Oui, mais je te dis que je pouvais pas faire ça en 5 minutes. Oui, total ma tête quand j'ai vu qu'ils étaient là tous les deux. Oui, mais ils habitent là. Mais je sais, ma remarque, c'est pas grave, parce que sa femme est ravie que je te fasse du bien. Elle trouve ça super, hein? Remarque, c'est vrai que c'est super, hein? Et puis, elle a les idées larges, hein? Drôlement larges, elle. En tout cas, maintenant, il n'y a plus à s'en faire. On va se taper un bon dîner et après? Après quoi? T'auras qu'à leur dire d'aller promener le chien? Oh non, non, non, non, il n'en est pas question! Pourquoi? Bah, ils ont pas de chien, tu vois. Alors on va encore seulement manger? Oui, et même ce dîner, j'aurais préféré l'éviter, tu vois. Et rien d'autre? Ah non, non, rien! Bon, alors moi j'en ai marre! Mais de quoi? De quoi? Quand c'est pas des défaillants, c'est des gens qui habitent là. Alors marre! Mais mon Minou, calme-toi! Non, je n'en peux plus! Et je vais dire à tout le monde que tu ne peux jamais faire l'amour! Mais tu vas pas faire ça! Ah, je vais me gêner! Peut-être que ça te donnera d'énergie, enfin du ressort, quoi! Bon, maintenant, il faut partir. Pas question! Comment? Je suis venue pour aller au lit, je vais y aller maintenant. Hein? Qu'est-ce que tu dis? je sais pas, mais attention, elle est très énervée, là. Ouais, je vois ça. Il y a de quoi? Allez, viens. Non, mais c'est folle, enfin. J'ai dit, c'est tout de suite. Non, non, mais enfin, voyons, Minou, réfléchis. Réfléchir, réfléchir à quoi? Ça sert à rien de réfléchir, j'ai pas envie de réfléchir. Ce que j'ai, c'est envie. Ouais, mais ça se comprend. Mais moi, j'ai dit d'accord le mercredi, pas le jeudi. Alors, la semaine prochaine. Sans avoir eu ce que je veux, jamais. Mais bon, Minou, voyons, soir, jamais. Raisonnable, ça sert à quoi? À rien du tout. Bon, puisqu'il ne veut pas, vous vous couchez avec quelqu'un d'autre que votre femme. Oh, oui. Ah bon, toi aussi, tu... Oui, enfin, j'ai dit ça pour qu'elle croie que je suis occupé. Non, en vérité, c'est... Ah non, non, non. Bon, alors c'est ce qui vous manque. Allons-y. Où ça? Oui. Bon, tu sais ce que tu lui dis, là? Oui, puisque tu veux pas, je vous lis avec lui. Elle plaisante-elle? Ouais, bien sûr. Et votre lit, je le connais, je sais où il est. Oui, mais bah, arrête. Arrête, j'ai même pas commencé. D'ailleurs, je trouve qu'il est mieux que toi. Oui, c'est pas impossible, ça. Oui, bon, alors là, Minou, ça suffit. Non, hein? Ça suffit pas. Ça suffit même pas du tout. Et comme lui, j'ai déjà vu à moitié nu, c'est de quoi je parle. Bah dis donc, quand est-ce que t'as vu à moitié nu, là? Hein? Ah, bah d'accord, quand je suis tombé de vélo. Ah oui, bah là, je t'ai vu aussi, là. Voilà, une fois de plus où on n'avait rien pu faire. Allons-y. Elle est plaisante, là, hein? Jamais avec les choses sérieuses. Elle est tordue, alors. Mais c'est exactement ça. Tordue? Pourquoi tordue? Mais enfin, tu te rends compte de ce que tu lui dis? Oui, puisque tu peux pas et que lui a l'air d'accord. Ah, j'ai pas dit ça. Eh ben, alors dis-lui non. Ah ben, j'ai dit non. Non? Ah non. Ah non, non. Ouais, bah oui, dis non. Non. Défaillance, encore défaillance. Non, c'est pas mon cas, moi, c'est pas... Non, non, mais c'est une idée fixe chez elle, ça. Eh ben alors Eh ben non, c'est parce que ma femme est là. Ah ben c'est vrai, j'oubliais, c'est plus de la défaillance. Non, c'est de la prudence. Maman, c'est encore un phénomène extérieur qui est rentré à l'intérieur. Ah. J'ai pas compris ce qu'elle dit. Il peut quand même pas empêcher sa femme d'être à la cuisine. Bah oui, je comprends. Enfin, merci quand même. Oui. Si vous voulez me trouver, je suis à la caisse numéro 5 au Mammouth à Créteil. Bon, nous, voyons. Vous prenez le périph' et après, c'est tout droit. Ça a l'air très facile d'accès. Enfin, Georges. En quoi, c'est pas de ma faute, moi, si je plaigne. Oh oui, ça, et comment? Mais nous, Georges, arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais je rêve ou quoi? Tout est normal. Ah, tu trouves? Oui, simplement, Georges vient d'avoir un petit étourdissement vertical. Vertical? Oui, enfin, debout, quoi. J'en étais sûre. Ah bon? Il boit trop. Je vais encore le lui dire, il n'y a pas 5 minutes. Ah oui, ça, je suis témoin, elle me l'a dit, pas 5 minutes. Voilà, j'ai suffoqué, c'est... Et alors, j'ai perdu mon souffle. En tout cas, là, tu manques pas d'air. Ça, il a réagi immédiatement. Maintenant, ça va beaucoup mieux, hein. Elle m'a bien requinqué. Eh bien, heureusement que Minou était là. Moi? On voit que vous connaissez la technique du bouche-à-bouche. Ouf! Ne soyez pas modeste. Vous êtes une vraie professionnelle. Oh, faut pas exagérer. Mais avouez que c'est quand même drôle. Hein. Vous êtes là, tout le temps prête pour lui. Et c'est mon mari qui a besoin de vous. Oui, on peut pas dire mieux, hein. Ah non, là, ça, on peut pas, là. Vous êtes une véritable petite fée. Oh, faut pas pousser le bouchon. Allons, je sais ce que je dis. Bon, après tout ce que vous faites pour nous, je peux encore vous demander un petit service pour la cuisine? Oh, c'est avec plaisir. Puisqu'il n'y a rien d'autre à faire. Elle est pas un peu bizarre? Non, simplement, il ne faut jamais la contrarier. Jamais. En tout cas, pour avoir les idées larges, elle a les idées drôlement larges. Et... Mammouth, caisse numéro 5, Créteil. Elle est enthousiaste, hein. Ouais, elle m'aime beaucoup trop, tu vois. Heureusement que Jacqueline croit que c'est une déléguée à pied, hein. Ah bon, elle te l'a dit? Non, mais elle m'a dit que tu y avais dit. Mais alors, elle t'a aussi raconté qu'elle m'avait ramassé dans une flaque. Oui, mais alors ça tient pas debout. Bah, bien sûr, parce que j'étais tombé. Je dis, ton histoire de flaque, c'est un pétard mouillé. Hein? Alors moi, j'ai changé flaque en cardiaque. Comment? Oui, je lui ai dit que t'étais cardiaque. Que j'étais cardiaque? Oui. Ah ben merci. Ah non, mais merci beaucoup. Alors chaque fois que je bouge à doigt de pied, je crois que je vais tomber. Là. Ah non, mais t'as raison, là, je vais vraiment avoir besoin d'une déléguée à pied. En permanence, c'est 24 heures sur 24. Hein. Surtout que si Brigitte apprend la vérité, alors il faudra peut-être même m'hospitaliser. Hein, tu vois? T'as d'ailleurs rien d'y penser, là, j'ai quelque chose qui passe pas, je peux aller à la salle de bain. Oui, vas-y. Vas-y. Non. C'est moi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est toi qui m'as dit de venir. Moi, j'ai jamais dit ça. hier au téléphone que t'avais pu t'arranger, que ça nous changerait de nous voir chez toi. Mais je me souviens pas d'avoir dit ça. Mais enfin, ce matin, quand t'es venu rechercher ton costume, je t'ai dit à ce soir comme prévu. Bon, dans tous les cas, tu peux pas rester ici. Pourquoi pas? Mais parce que... Tiens, je t'ai apporté ça. Oh, puis fallait pas me faire un cadeau. C'est pas un cadeau, c'est tes habits. Oh, non, mais c'est vraiment pas un cadeau. Je suppose que ma femme y trouve. Ah, bah, il vaut mieux qu'il soit chez toi que chez moi. Non, c'est pas possible, il faut que tu t'en ailles tout de suite. Je viendrai te rejoindre un petit peu plus tard, tu verras, on sera tranquille. Oh, mais dis donc, il y a tout ce qu'il faut. Oui, c'est... C'est une bonne idée, les amuse-gueules. J'en achèterai pour mercredi prochain. Georges, il faut absolument faire quelque chose. Georges. Oui. Tu as vu? Le coin. Qu'est-ce que Bernard fait là? Bernard? Ne me prends pas pour une idiote, tu savais qu'il viendrait. Oui, je le savais. Mais ce que je savais pas, c'est que toi aussi tu viendrais. Enfin, c'est épouvantable, qu'est-ce qu'il va penser de m'avoir vu avec toi? Bah, rien, bah, rien pensé, bah, il a d'autres chats à fouetter, pas moi. Alors là, je suis désolé parce que tout à coup j'ai pensé que j'avais oublié de fermer un robinet. Non, parce que j'avais ouvert les deux, figure-toi. Mais alors, celui d'eau chaude avec la pastille rouge et celui d'eau froide avec la pastille bleue. Bon, alors avant de sortir, j'ai fermé l'eau froide, bon, je suis sorti. Et c'est à ce moment-là que j'ai pensé, bah, j'ai réalisé, j'avais pas fermé celui avec la pastille rouge, tu vois. Alors c'est pour ça que j'ai fait demi-tour et oh, ma chérie, oh, quelle surprise, mais je croyais que tu sortais ce soir. Oui, en effet, puisque je suis là. Ah bah oui, bien sûr. Ah bah dis donc, alors, pour une surprise, hein, ça c'est... Oui, non, bah d'accord. Dis donc, mais tu en as un gros paquet, là. Mais ce n'est pas pour toi. Ah non. Je pense que tu demandes ce que je fais là. Moi, alors là, pas du tout, alors ça va même pas effleurer, tu vois. Ah bon, tu ne t'es même pas posé la question. Non, mais je sais très bien pourquoi elle est là. Ah bon, tu le savais? Bah, évidemment, si elle m'a dit qu'elle sortait ce soir, c'était pour apporter ce paquet, hein. Il est pour qui? Hey, c'est à moi! C'est un paquet qui est piqué pour moi! Oui, ben, c'est des vieux habits, elle m'a donné des vieux habits, parce que je suis en cheville avec l'abbé Pierre. Alors, on fait des échanges, tout ça. Ben dis donc, je ne savais pas que je connaissais l'abbé Pierre. Ben, connais pas l'abbé Pierre, c'est moi qui suis intime avec lui. Ah bon? Je suis un intermédiaire. Et l'abbé te remercie beaucoup pour tes dons. Et te remercie. Oh, quel dommage que tu ne puisses pas rester avec nous ce soir. Moi? Oui, je sais que tu as toujours beaucoup à faire. Ah bah oui, ça c'est vrai. Tu sais ce que c'est qu'une maison? Il y a toujours à faire. Ah oui, ça y a... Oui, bon, d'accord. Eh bien, je vais aller faire ce que j'ai à faire. Ma chérie, qu'est-ce que je suis contente que tu aies pu venir. Comment? On voulait t'inviter, mais ton mari nous a dit que tu étais prise. Ah oui, en effet, oui, je l'étais, oui. C'est tombé à l'eau? Ah oui. Eh bien, c'est parfait. Écoute, oui. C'est formidable que finalement elle soit libre. Ah, oh là là, ça c'est formidable. Assieds-toi, ma chérie. On va avoir des tas de choses à se raconter tous les quatre depuis qu'on ne s'est pas vus. Mais chérie, ne reste pas là avec ce paquet, sers-nous à boire. Oui, j'aime bien. J'en ai pour une seconde, je vois bien. C'est gentil de me garder à dîner. Ah oui, mais c'était... Si, c'est une idée de Jacqueline. Mais moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à te voir. Alors, dis donc, vieux, ta femme t'a dit de pas rester planté là avec ce paquet, hein. Oui, t'as raison, je vais aller me planter ailleurs. Est-ce que ça te gêne? Ah, maman, non, mais toi, ça a l'air de t'encombrer. Oui, c'est encombre, non. Bon, moi, je vais le ranger. Faites comme je veux, hein, servez-vous. C'est ce qu'on va faire. Dis donc. Oui? Tu as vu la tête qu'il fait, Georges? Ah non, je n'ai pas remarqué, non. Pourtant, tu devrais, parce que ça se voit. Ah ben moi, j'ai rien vu. Ah ben, tu n'as peut-être rien vu, mais moi, je viens d'en apprendre une assez gratinée. Ah, vraiment? Oh là là, je n'aurais jamais imaginé une chose pareille. Explique-toi, je comprends pas. Eh bien, je sais qu'il a une maîtresse. Quoi? Oui. Enfin, tu rêves. Absolument pas. Enfin, écoute. Oh ben, je t'en prie, hein. Si je te dis que je le sais, c'est que je le sais. Enfin, c'est pas possible que tu le saches. Comment pas possible? C'est lui-même qui me l'a dit. Qui? Georges. Il m'a tout raconté. Tout? Tout. Et sa maîtresse, je la connais très bien. Alors là, je sais vraiment pas quoi te dire. Ah oui, ben ça, y a rien à dire. Ça. Oh, mais si, je suis désolée, concernée. Oui, non, mais enfin, c'est comme ça. Hein. Il faut en prendre son parti. Alors que nous deux, nous le sachions, Bon, mais que ça reste entre nous, hein. Et ce que je te demande, c'est de ne rien dire à Jacqueline. Alors là, ça me viendrait vraiment pas à l'idée. Oui, non, non, mais parce qu'elle, elle se doute de rien. Il manquait plus que ça. Alors, il faut surtout pas qu'elle sache, jamais, hein. Georges m'a fait jurer. Et comme elle est à la cuisine... Ça, je sais bien que Jacqueline est à la cuisine. Ah non, non, pas Jacqueline, hein. Comment pas Jacqueline? Non, je te parle pas de sa femme, je te dis... Comme elle est à la cuisine. Mais qui ça? Eh bien, la maîtresse de Georges. La maîtresse de... Oui, elle s'appelle Minou. Minou? La maîtresse de Georges s'appelle Minou? Voilà, ça... Attends, bouche à le coin, ça, hein? Ah, ça oui! Ah, ça, il va m'entendre, Georges! Ah, non, non, non, lui, on parle surtout pas! Ah, ouais, pourquoi pas? Bah, ça va le gêner! Alors, pourquoi est-ce que tu me l'as dit? Bah, parce que comme tu vas voir cette Minou, tu auras pu te demander ce qu'elle fait là! Alors, je t'ai dit qui c'était pour que tu ne fasses pas de gaffe devant Jacqueline! Oh, mais ne t'inquiète pas, j'ai compris! Pour moi, c'est très clair! Très, très clair! Voilà. Voilà. Oui, ben voilà. Alors? Alors quoi? Quand est-ce que tu vas me la présenter? Qui c'est? Eh bien, Minou. Minou? Ah oui, Minou. Oui, Minou qui est à la cuisine. J'ai très envie de la connaître. Ah bon? Pourquoi? Oh, eh bien, parce que... Oh, et puis, non, rien, non, non, non, réflexion faite, je crois que je ne vais pas rester dîner. Après tout, c'était prévu pour 4 et pas pour 5, hein? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Tu sais, quand il y en a pour 5, il y en a pour 4, hein? Oh, ça, j'en suis sûre. Eh ben alors, qu'est-ce qui ne va pas? Non, mais tout va très bien. Simplement, Bernard vient de tout me raconter au sujet de Minou. Enfin, chérie, je t'ai demandé de ne pas lui en parler. Ah bon, parce que tu lui as dit que Minou... Oui, elle... je trouve même que c'est rigolo. Elle trouve ça rigolo. Oui, rigolo et pathétique, mais je m'en fous. Ah, tu t'en fous? Ah, ça complètement. Alors, si elle s'en fout, tout est pour le mieux. Avec les quenelles, vous voulez de la moutarde ou du ketchup? Alors bon, l'autre chose. Comment? Ah oui, je crois que vous ne vous connaissez pas encore. Oui. Non, c'est pas la peine de faire les présentations maintenant. Mais pourquoi pas, puisqu'elle s'en fout? Ah, ça complètement. Ah bon, alors c'est moi qui vais les faire. Je vous présente Mammouth. C'est Minou, Minou, Minou. Mais je m'en doutais un peu. Bonjour madame. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Ah. Oui, alors c'est pas la peine d'en parler davantage. Pourquoi pas, puisqu'elle s'en fout? Parfaitement, je sais que vous êtes une amie intime de Georges. Oh, intime, intime. Oui, c'est vrai ça, pourquoi intime? Ah, bah comme c'est dans ton lit que ça se passe, pendant que ta femme est en voyage. Ah bon, parce que tu lui as dit? Non, non, non, pas du tout, moi. Non, non, il m'a rien dit, mais enfin comme ça me paraît évident, je le suppose. Bah, tu as deviné, parce que c'est vrai. Oui, donc il n'y a aucune raison d'assister là-dessus. Ah, pourquoi pas? Puisqu'elle s'en fout. C'est pour ça, c'est pas la peine d'en faire un fromage. Oh. Bah, sans compter qu'il y a des circonstances atténuantes. Hein. Ah, lesquelles? Ah, tu lui as pas dit que c'était juste une fois par semaine? Non, non, moi j'ai rien dit du tout. Mais je suis ravie de l'apprendre. D'accord, c'est pas une excuse, mais enfin tu reconnaîtras que dans le fond c'est pas grand-chose. Oh, ça, vraiment pas grand-chose, hein? Ah, vous trouvez? Oh là là, et en plus c'est défaillant sur défaillance. Oh. Oui, oui, bon, ben Minou, ça va bien, hein? Ah non, pas tellement, et pour le romantique, vous repasserez. Oui, bon, ben Minou, ça va bien, hein? Faut pas insister là-dessus. D'autant que j'essaie à pas m'en tenir. Bon, vous avez pas fini les présentations? Non, et ben maintenant c'est trop tard. Il est jamais trop tard pour bien faire. Brigitte, sa femme. Quoi? Dans 5 minutes, on passe à table. Est-ce que tout le monde se connaît? Eh, ça y est, c'est fait maintenant. Oh ouais, c'est même bien fait. Bon, mais moi, je crois que je vais partir. Voilà, ça, c'est une bonne idée. Non, je suis sûre que Georges préfère qu'elle soit là. Enfin, Georges, tu vas tout de même pas l'obliger à rester, toi. Bien sûr que non. Mais moi, je veux qu'elle reste. Ah bon? Tu sais ce qu'elle est? Mais naturellement. Et je trouve que c'est très bien. Ah, tu trouves? Ne me dis pas que c'est toi qui l'as mise au courant. Mais non, c'est Georges. Toi? J'ai pas envie de faire autrement. Eh bien oui, comme je les avais trouvés ensemble, forcément, il a dû me le dire. Je trouve sensationnel que de nos jours, il y ait encore une fille comme elle. Toujours prête à supporter les défaillances. C'est magnifique. Mais qu'est-ce qu'elle fait de si magnifique, hein? Ça, ce n'est pas à moi de te le dire, mais si ton mari veut préciser... Ah non, j'en ai pas précisé du tout. Bon, alors, puisque personne ne veut parler, dites-moi, vous, ce que vous faites de si magnifique? Oh, magnifique, vous savez, caissière. C'est pas terrible. Mais Minou, voyons, ne dites pas de bêtises. Mais pourtant, je suis caissière à Mammouth. Mais moi, je sais bien que vous êtes une déléguée à pied du SAMU. Ah, franchement, est-ce que j'ai la tête à travailler au SAMU? Mais enfin, Minou, si vous n'êtes pas au SAMU, Voulez-vous me dire pourquoi je viens de vous voir embrasser mon mari? Oh, pour ça, vous en faites pas. C'était juste pour le rendre jaloux. Qui ça? Eh ben... Là, je crois que je viens d'en faire une belle, hein. Ah oui, alors là, je crois aussi. Bon, eh bien, dans ces conditions, je ne vois rien de mieux que de passer tout de suite à table. Simplement, il faut que j'aille dans la chambre à coucher chercher la nappe. C'est idiot, je ne sais pas pourquoi je range toujours cette nappe dans la chambre à coucher. Ça doit être une manie. Bernard, chéri? Oui. J'avais cru comprendre que Minou était la maîtresse de Georges. Comment? Quoi? Oui, en effet, oui. Donc, chérie, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que tu pouvais avoir des malaises quand il va courir? Oh, bah, j'ai trouvé que c'était pas la peine que je t'en parle. Et vous, la déléguée à pied, hier, tout s'est bien passé? Ah non, on a juste mangé une choucroute et on est parti. Ah. Vous m'en voulez, hein? Ah non. Non, simplement, je ne savais pas que ce qu'on appelle le jogging, c'était ça. Mais il y a des tas de gens qui font du jogging. On voit courir des survêtements partout. Alors, ils doivent tous servir à la même chose, hein? Bon, eh ben là, je dois partir, hein? Ah non, Jacqueline vous a invité. Venez, on va lui donner un coup de main. Oh, vous êtes fantastique, vous savez. Fantastique. Vous êtes tellement compréhensive. Si je vous disais pourquoi, je suis sûre que vous ne me croiriez pas. À mon avis, je doute de quelque chose. Alors toi, t'es perspicace, hein? En tout cas, c'était quand même pas mal goupillé, tout ça. Dis donc, Georges. Oui. Je ne te connaissais pas, cette robe de chambre. Mais c'est la mienne, là. Où est-ce que tu l'as trouvée? Dans le canapé. Il faudra que tu m'expliques ce que ta robe de chambre fait dans mon canapé. Alors lui, il est gonflé. Dis donc, vieux, il dépasse un vélo dans un salon. Comment tu expliquerais ça, toi? C'est toi! Oui, je suis rentrée hier. Ben, bien sûr. Ben, comme d'habitude, chez toi. Mercredi soir à la même heure. Oui. Mais oui, je ne pense qu'à toi, mon trésor. Oui. Bisous, bisous.